Dès demain sur Fun Radio à 20h, on sera là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, on se régale tous les soirs avec vous. Merci beaucoup. Bien sûr, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Laissez vos messages sur le répondeur au 01 42 48 5000. La suite, Mickaël. Nos limites. Bonsoir, Mickaël. Ah, bah salut. Quand même. Attends, oui. J'avais déjà le téléphone avec le numéro de Jérôme Fouquet là. Ah, vas-y, vas-y. En bonne balance, si, évidemment. Vas-y, appelle-le. Vas-y, appelle-le là. Vas-y. Attends, une seconde. Bah, vas-y, calmez-vous là. On y va. T'as que de la gueule. Vas-y, appelle-le. Vas-y. Vas-y, appelle-le. Jérôme. Alors attends. Jérôme, c'est le big boss de Fun. Hein, pour qu'il demande. Son Altesse, Jérôme. Non. C'est également, c'est également mon meilleur pote. L'arnaque. Alors attends. T'as dit que Jérôme était une arnaque. Ouais, bah, bravo. Toi. Ce sera répété et suramplifié. Son Altesse. Jérôme a beaucoup d'humour. Non, mais t'appelles Jérôme, sérieux? Ah, bien sûr, j'appelle Jérôme. Le pauvre, il doit dormir. Je m'en fous. Vous êtes bien sur le portable. Je m'en fous, j'ai un message. On laisse un message. Jérôme, c'est Mickaël, tu es sur Fun Radio. Je tiens à signaler qu'il est 23h01 et 42 secondes. Et que Karel monopolise encore une fois l'antenne, une fois de plus. Et que je perds 2 minutes. En fait, t'es arrivé en retard, mais c'est pas grave. Pas du tout, mais Jérôme ne t'entend pas, donc ça qui est bien. Donc Doc a dit qu'il avait raison et Karel était un gros con. Merci beaucoup Jérôme, bonne nuit hein, chère Altesse, Polo, un truc à dire à Jérôme? Je vous aime votre Altesse, je viendrai vous cirer les chaussures demain matin. Très bien, très tôt. C'est parfait, voilà. Quelle bande d'arnaques, sans déconner. Allez, bonne nuit Jérôme. Il faudra. J'espère que vous sévirez demain sur Karel. Hein. Il sera là tard. Avec un fouet, oui. J'adore les réprimandes de Jérôme. Hop là. Grand plaisir. Voilà, de toute façon, il t'a pas entendu parce qu'on n'est pas dans le même studio. Bande de tarés que vous êtes. Et ben voilà, je t'ai pas affiché, Karel. Non, je trouve aussi, c'était très sympa de ta part. Mais même le doc, il a pas été affiché. Il y a Karel qui a pris cher comme d'hab, quoi. Il ne me fait pas peur. Bah tant mieux. J'espère que ce sera bien entendu. Bon, et bien, bonne nuit. On va pas vous retenir plus longtemps. On sait que vous avez beaucoup de travail. Bien sûr. Et ben voilà. On enchaîne. Hein, alors, Allez, bonne nuit à vous et à demain 20h. Hein. Salut, demain, ciao. Ciao. Ciao tout le monde. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Toi, t'adores le foot, ton mec n'aime pas du tout le foot? Non, en fait, son sport de prédilection, on va dire, c'est le tennis de table. Oui, bah, peu importe. Donc, du coup, on s'engueule beaucoup, je dis que c'est un sport pour les PD, en fait. Comment ça va, Isabelle de Paris? Ça va bien, merci, vous? Très bien, Isabelle, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah, en fait, j'ai ma copine pose caca qui a envie de chier, on est dans les bouchons. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Bah j'espère que oui, en tout cas nous, bah moi personnellement plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. J'espère que si vous n'étiez pas là hier, j'espère que vous étiez là hier, mais si vous n'y étiez pas, eh ben on se demandait si les extraterrestres existent. Ah, je crois qu'on a enfin la réponse puisque un ovni a été vu en Charente hier vers 23h30 et bizarrement, ça correspond quasiment à l'heure où on en parlait. Ce qui prouve une chose, une énième, hein, s'il fallait encore le prouver évidemment, c'est que même sur Mars, ils savent qu'il y a enfin quelque chose à écouter, quelque chose de bien à écouter le soir à la radio, et que c'est sur Fun Radio que ça se passe, de 23h à 2h, du lundi au jeudi, et le dimanche évidemment, de 20h à minuit, n'est-ce pas Hicham? Salut Mickaël. Ça va? Oui. T'es en forme? Parfait. Bon bah tant mieux, très bien Hicham. Bon toi aussi t'as découvert depuis quand qu'il y avait enfin quelque chose de bien à écouter entre 23h et 2h à la radio? Bien sûr. Ça fait combien de temps que t'as découvert l'émission? Il y a 2-3 mois. 2-3 mois, eh ben très bien. Et avant tu te faisais chier. Ouais. Bah écoute, ce sont les choses qui arrivent. Qui t'a fait découvrir l'émission? T'es tombé dessus par hasard ou c'est un pote qui est venu qui t'a dit tiens écoute ça à la place d'écouter une autre merde, non? Bah en fait, il y a environ un an, j'écoutais Karel Libre Antenne officielle, j'ai quoi de l'exécuter et là ben voilà, je suis revenu. Et... Ah bah écoute très bien, bah voilà, bah écoute, sois le re-bienvenu sur Fun. Ouais. Voilà, en fait c'est bien, non mais c'est bien parce que parfois il faut partir. Je vous invite d'ailleurs, hop, vous voyez comme ça vous allez pouvoir écouter et vous allez vous dire oh putain. Wow. Bon bah je vais retourner là où j'étais hein. Parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Exactement. Mais ce n'est pas le cas. Non, on imagine toujours qu'aux États-Unis c'est la belle vie, etc. Et bien alors que les Ricains eux, ils veulent venir ici. Donc tu vois au final on n'est jamais content de ce qu'on a. Voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et puis force est de constater que on est bien à la maison. Bon Hicham, toi tu nous appelais pourquoi? Pour devenir doux. Ah bah non, c'est pas possible. C'est pas possible, t'as entendu ta voix, c'est pas normal, c'est bah, pas j'ai moins de 15 ans. Ah oui, non, alors il peut. Alors il peut, Polo. Il peut devenir doux. Il a moins de 15 ans. T'as quel âge? 14? 14 ans. C'est juste. Si, si, non, il peut. Je suis désolé. Allez, c'est Mickaël qui décide quand même. Bah oui, non, mais il peut être doux, c'est comme ça. Comment il s'appelle? Hicham. Hicham, tu veux devenir doux? Oui. Tu veux rentrer dans la grande confrérie des doux et dans l'armée des doux? Oui. Hicham, je peux accéder à ta demande. Mets-toi à genoux, Hicham. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Hicham, insulte-toi. Je suis un idiot, je suis un tof, un drogué, un malade, un vulgaire sanguinaire. Oh, c'est pas très vulgaire, mais bon, ça ira très bien. Hicham? Oui. Est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? C'est important. Oui. Tape-le-toi sur la tête. Ça suffit, Hicham, bravo! Hicham, tu es baptisé doux, bravo! Et ben voilà! Bienvenue dans l'armée des doux! Et tu es le doux qui n'a pas mué. Non, le doux qui a mué, le doux qui a mué trop tôt, justement. Voilà. Et qui a mué en avance. Voilà, le bon, doux pour qui ceux a qui mué. Connaissent pas le principe, hein, tous les doux, ce sont les auditeurs de fun qui n'ont pas encore mué, ou qui ont moins de 15 ans, ou les deux, évidemment, et qui deviennent donc officiellement membres de l'armée des doux. Ouais. Et bah, ce sont ces auditeurs en particulier qui, à qui on donne une mission, prévenir tous les auditeurs de France, de Belgique et d'ailleurs, qu'il y a enfin quelque chose de soir à écouter à la radio. Voilà, donc c'est très important, c'est une mission très importante. Bon Hicham, bah merci en tout cas à toi d'être passé. Tu veux écouter un son en particulier ce soir? Sur ma route. Sur ma route de Black M? Oui. Alors attends, je l'ai pas là, mais on va le noter, je vais le mettre. Je le mettrai tout à l'heure avant la fin de l'émission, promis Hicham. Ok. Bah passe une bonne soirée Hicham. Bah merci. Et puis à l'écoute de fun évidemment, salut à toi, à bientôt. Évidemment, merci. Allez, ciao à toi. Bon, on aura Black M tout à l'heure, promis. Et puis, bah, que vous soyez extraterrestre, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ou humain, ou même moche, ou comme Toff, hein, moche donc. Hein. Oui. N'hésitez pas à nous appeler d'où que vous soyez, 01 42 48 5000, où que vous soyez en France, et où que vous soyez en Belgique, au 02 851 4x0. On parle ensemble, évidemment, de ce que vous voulez. Sandro va bien? Elle est en pleine forme? Oui, ça va. Très ça bien. Je ne pose pas la question habituelle du régime, tout ça. On sait bien que tu n'as pas fait, que tu commences demain. Depuis deux jours, ça va. Ouais, depuis deux jours, ça va. Sachant que hier, elle a dit qu'elle avait fait le barbecue tout le week-end et qu'elle a picolé et bouffé comme une vache. Donc, ça vous donne une idée de où se trouve le régime là, actuellement, tout de suite. Bref. Toff qui est toujours prêt pour rencontrer de nouveaux amis d'ici une vingtaine de minutes? Toujours, évidemment. Toujours. De trou du cul. Bah voilà. Va te faire enculer, ben c'est mort, va te faire enculer. Exactement. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà, tous des gens très sympathiques au demeurant, comme vous avez pu le remarquer, évidemment. Donc, si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Toff, n'hésitez pas, comme chaque soir, on en appellera. Ce seront les appels malveillants vers 23h30, oui. Minuit 30 et 1h30. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Et puis, bah, Polo, qui est toujours au taquet de l'armée des doux, comme vous avez pu le remarquer, avec Hicham, qui est le premier à être passé ce soir. Et on va prendre également Thibaut, qui est avec nous, de Pau. Salut Thibaut. Ouais, salut Mika. Oh, toi t'es un doux par contre. Ouais. Toi t'es un bon doux, toi. Et toi, tu nous appelles pas pour devenir doux officiel. Est-ce que t'es déjà doux? Non, j'ai pas du tout. T'es pas encore doux officiel. Bon, c'est pas grave. Peut-être que vers 22h, vers 22h30, pas du tout, vers minuit 30 à la fin de la colle, peut-être qu'on te donnera ce privilège d'être doux officiel. Nous verrons. Peut-être, j'espère. Eh ben, on verra. Avant, tu sais ce que ça veut dire, doux officiel, hein? Ça veut dire que, évidemment, tu es doux officiel, tu es reconnu par tous les doux de France, de Belgique, de tout le monde, hein, l'armée des doux. Et en plus de ça, tu as comme lourde tâche sur les épaules de prévenir tous les autres doux et les plus âgés, les non-doux, qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir, et c'est sur Fun Radio de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Attention, la tâche est lourde. Ouf, lourde tâche, t'es un grand honneur. Oui, bah j'espère bien, et donc très très lourde tâche. J'espère que tu seras digne. Et j'espère effectivement tu seras digne de cette tâche. Et bien entendu, comme les doux on vous aime, vous avez le droit à faire deux dédicaces. Bien sûr, évidemment. C'est fou. Voilà, c'est le côté élite. Ouais. C'est le côté élite plus. Bon, alors vas-y, fais péter la colle là, pour savoir si tu vas repartir avec l'iPod Nano dernière génération ou pas. Ok, c'est parti. Alors, allez. Mon premier est un déterminant, mon deuxième est un animal, mon troisième est une couleur, mon tout est un personnage de dessin animé. Qui suis-je? Alors, mon premier est un animal, mon deuxième est une... Hein? Non, mon premier est un déterminant. Est un déterminant. Ah bon? Bah pourquoi il y a Sandro qui m'a écrit le truc? Parce que maintenant, l'écrit dans le standard, ça m'aide à répéter. Et dans le standard, moi, je vois mon premier est un animal. Oui, bon, mon premier est un animal et mon deuxième est une couleur. D'accord. Mon tout est un personnage de dessin animé. Qui ah, tu vois que c'est toi qui t'es trompé là. Quel... Oui, mais, sale douve, tout ça pour que les gens trouvent pas là. Tiens, je t'en mets une. Voilà. Bon, je répète, mon premier est un animal, mon deuxième est une couleur, mon tout est un personnage de dessin animé. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900, par SMS, au 63 22 depuis la Belgique, et vous pouvez bien entendu jouer sur le Facebook. Je viens de vous mettre la colle là, en ligne sur facebook.com, tapez Mickaël officiel et je vous ai mis une magnifique photo de l'iPod Nano que vous allez pouvoir gagner ce soir. Il est magnifique, ça vaut 180 euros quand même. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Ah bah ça vaut pas que dalle, hein, donc 180 euros peut-être pour toi, Thibaut, du coup. Oui, ouais, Thibaut. Ouais, Thibaut. J'ai une question pour Toff. Dis-moi. Oui. Et comment tu fais pour être aussi con, Tof? C'est un métier. Ah ouais, j'ai étudié de longues années pour arriver à faire ça. Ah, mais tu travailles souvent, mon ami. Ta connerie. Non, mais attends, il a bac plus 8 pour arriver à faire ça. Hein. Bah ouais. Attention. Oh, t'es un professionnel, mais là, grave. Attends, je suis pas n'importe qui. Hein. Pourquoi tu crois qu'on dit toujours aux auditeurs ne refaites pas chez vous ce qu'on fait dans l'émission? Nous sommes une équipe de professionnels. Et oui, mais en plus d'être con, il est moche en plus. Oui, bah ça, il n'y a plus choisi pour le coup. Ça, c'est. Ça, malheureusement, c'est pas sa faute. Non. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as l'air un bon doux, toi, hein, bien capable d'aller d'aller ameuter les auditeurs là pour qu'ils viennent écouter Fun le soir. On verra si tu deviendras doux officiel tout à l'heure, Thibaut. Bon, en tout cas, tu restes avec nous. Et puis, je rappelle donc que si vous avez la bonne réponse à la colle, répondez sur le Facebook notamment ou par SMS. Vous tapez Mickaël officiel pour lire la colle et y répondre sur le Facebook notamment. Et puis, bah, 22h20. Ah merde, qu'est-ce que j'ai avec 22h30? Ah oui, c'était à cause d'hier. Mais à 00h30, donc, on appellera le ou la gagnante. Et si il ou elle donne la bonne réponse à l'antenne, elle repartira ou il repartira. Partir avec l'iPod Nano, et si jamais c'est pas le cas, et ben ce sera pour Thibaut. Tu restes avec nous, Thibaut. T'as envie d'écouter un son ce soir en particulier? Oh, ben moi, comme Hicham, Black M sur ma route. Black M. Et ben très bien. Bon, on va le mettre dans quelques minutes. Alors, faut pas. Bah, tu sais qu'on va le mettre maintenant. Tiens, attends, bouge pas. Alors, oh, attends. Super, attends. Merci. Alors, attends. Black M, je tape dans la machine. C'était Black M. Et Black M. Voilà, c'est bon. Alors, il y en a un qui va râler, hein, qui m'envoie toujours un mail. J'oublie son nom, malheureusement. Qui va dire oh putain, fais chier, oh, quoi. Oh, putain, pas Black M, c'est de la merde. J'en c'est marre. C'est bon. Génial, Black M. Bah oui, écoute, après, attends, on va le mettre maintenant, ah, là, si regarde. Tu as dit que c'était génial. Bah voilà, on va le mettre maintenant, et puis on te récupérera tout à l'heure avant minuit 30, d'accord? Ok, génial. Tiens, t'as pas d'allergie, toi, le doux? Non, ça a l'air. Si, je suis allergique aux acariens, mais. Ah, aux acariens, ouais. Bah, ouais, moi aussi. Et aux trisomies comme Tof, mais. Je suis désolé, tu dois avoir des boutons, là. Ah, ouais, là, à force de lui parler, ouais, ça doit faire mal, ouais. Non, je vous demande ça parce que ce week-end, j'en ai. Grosse allergie, là. Et bah oui, grosse allergie, fais attention pour les mouchoirs. Hein. Non, depuis ce week-end, c'est la galère, hein. C'est-à-dire les yeux qui pleurent, ça éternue à mort, en tout cas, je parle pour moi surtout, hein. Et donc, bah, du coup, à cause du. Enfin, c'est pas vraiment le pollen, moi, c'est plus les graminées. C'est les espèces de mauvaises herbes qui étaient sur le bord des routes, là. Ouais. Donc, graminées, qu'est-ce qu'il y a? Bah, acariens, là, justement, j'ai la même allergie que Thibaut. J'avais les chats avant, c'est passé maintenant. À force de traîner avec un chat, du coup, maintenant, l'allergie est passée. C'est vrai, hein, c'est mon allergologue qui m'a dit ça. Ah ouais, c'est à force d'être avec le chat, ouais, ça. Ouais. En fait, ouais, mais tu galères au début, et en fait, après, ça passe. Donc, je me dis, à mon avis, est-ce que je mettrais pas mon lit en plein milieu des graminées pour voir si ça peut passer. Mais... parce qu'en fait, tu produis le... l'anticorps. Voilà, à force de contacter la merde, tu exactement, te... Exactement, ouais. Voilà, avec la merde, quoi. Bon, si vous avez arrêté de côtoyer Tof à un moment, ouais, aussi. Je veux dire, faut faire quelque chose, là. Bah, écoute, regarde, nous, on est plus allergiques tellement on le croise. Ouais. Tu vois, c'est pourquoi, comme quoi. Mais c'est comme les chats. Il est même avec un con au début, t'es allergique. Mais tu vas te calmer, le doux. Le doux, je suis le grand maître des doux. Tu vas te calmer là. Le doux, il est taquet. Bon, Thibaut, reste avec nous. Reste avec nous pour la colle. Et puis les autres, dites-nous, tiens, si vous avez des allergies, bah appelez-nous pour voir si vous avez des solutions aussi. Ou si vous galérez bien, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Thibaut, je te mets le sur ma route de Black M maintenant, d'accord? Oh merci, ça gère. Et en plus, on est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue, c'est Mickaël Noémie jusqu'à 2h. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Voilà, ça avait été demandé par Doudou là ce soir en début d'émission. Black M à l'instant, c'était sur ma route sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et il y a le Club Med qui envoie un message là sur le Facebook. Yo la famille, quel plaisir de vous entendre. Désolé pour le quart d'heure de retard là, j'étais au téléphone. Ah, c'est pas grave, Club Med. Mais le principal c'est que tu sois arrivé. Il y a Nessio aussi sur le Twitter. Ou sur ma route, Mika, on t'adore. Un pote écoute, dédicace si tu écoutes. C'est au collège Jean Renoir. Eh ben, mais salut à tout le monde. Et puis dédicace alors au collège Jean Renoir et à tous ceux qui nous écoutent là-bas. Et puis bah, ceux qui nous écoutent pas encore là, bah, prévenez-les là qu'il se passe un truc le soir et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Je vous nomme officiellement. D'où enfin, comment on peut les nommer D'où les coursiers. Ambassadeur. Ouais, ambassadeur, ouais. Ou d'où par intérim. Voilà, pour ceux qui n'ont pas 15 ans ou qui ont plus de 15 ans. Ouais. Jérémy Titi qui dit, je suis allergique au pollen, fleurs jaunes, graminées, des arbres qui portent le pollen, c'est la misère. Bah mec, putain, alors là, c'est clair, hein, je sais exactement de quoi tu parles. Il y a Cheyenne aussi, attends, c'est Aurélien, pardon, qui dit, bonsoir à toute l'équipe, ne changez rien, vous déchirez tout, c'est gentil Aurélien. Et Sim Radio qui dit, mes allergies, chat, acarien, pollen, des arbres. Et CC qui dit, coucou toute l'équipe. Bah salut CC, merci d'avoir envoyé un petit message. On en parle encore, hein, de toutes les allergies ce soir en direct sur Fun Radio. Vous nous appelez donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On est au cœur, enfin depuis la Belgique, on est au cœur d'une heure sans pub. Il y a les appels malveillants qui vont arriver dans quelques minutes et on prend Anthony maintenant d'Haute-Savoie. Salut Anthony. Ouais, salut Mickaël, salut Wally, comment salut. Ça va? Ouais, au top, hein. Bon, bon. Comme tu le dis, hein, ces allergies de merde. Oh putain, ça, c'est galère. Moi, j'attends qu'une chose. J'attends qu'une chose pendant toute l'année. C'est que le printemps arrive, qu'il fasse beau, etc. Et puis à chaque fois, je sais que c'est la galère. À chaque fois, je sais que c'est la galère parce que t'attends un truc et puis après, t'as une galère avec, le, avec les allergies et toutes ces merdes. Voilà, là, c'est une horreur. Le pire, c'est qu'en plus de ça, c'est que ça arrive avant, avant l'été. Donc en fait, il fait super beau, t'as envie de sortir et tout. Et là, en fait, bah, dernièrement, j'ai fait un camping avec moi, avec ma nana. Et franchement, je me suis retrouvé dans un champ en fait où il y avait plein de pollen en fait. Ça volait dans tous les sens. Quelle horreur. Bizarrement, quand même, en fait, en étant au cœur du truc, en fait, bah, au bout d'un moment, t'es immunisé en fait, limite quoi. En fait. Ouais, bah, écoute. Non mais après faut voir, et je peux mettre là où il y a plein de graminées, parce que moi c'est surtout les graminées, et je peux te dire que j'ai beau me mettre en plein milieu, ça va pas passer tout de suite, hein, loin de là. Ça passe pas, ouais, bah c'est clair que bon, bah, c'est pareil, hein, je ressemble à rien au début, hein, j'ai les yeux, ils sont super gonflés, j'ai le nez, il coule et tout, c'est pas de la mort, c'est lourd, hein, mais c'est la merde quoi, c'est sérieux. Bah ouais, c'est donc clair. Voilà, c'est pour ça, je comprends un petit peu, oui, franchement, le pire dans tout ça, c'est que tu dis ouais, il fait beau et tout, tu sors et tout, alors que tu croises des gens que voilà, tu généralement tu croises au boulot ou quoi. En fait, puis là ils te voient et puis c'est comme si t'avais fumé genre 10 plis d'un coup quoi. Exactement, et ils te regardent d'un coup, ils te regardent. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ou alors ils plaignent, voilà, Oh mon pauvre. Tu prends pas les cachets, les trucs qui font que ça passe tes allergies. Non, moi je prends pas les cachets justement, bah, si. Ça marche pas. Donc, Moi je les ai tous pris, si tu veux. Zyrtec au début ça marchait, puis après à force d'en prendre, bah ça marchait plus. Exactement, tous les autres c'est pareil, donc ça marche plus. J'ai été voir des allergologues, ils m'ont tous donné un truc à gauche à droite. Et puis j'ai été en voir un dernier là, l'année dernière du coup, qui m'a dit j'ai la solution pour vous. Oh je dis bon vous êtes pas le premier à me le dire, hein, mais bon allons-y toujours, on va voir. Et donc il m'a sorti un truc qui me coûte la peau du cul. C'est-à-dire on voit la peau du cul là. Ouais. C'est possible, j'en ai plus. Puisque là j'ai dû c'est-à-dire qu'il m'a donné un paquet. Enfin alors ça fonctionne sur 3 ans, hein. Donc déjà il m'a annoncé la couleur. Je dis ok d'accord. Alors il faut faire quoi? Bah c'est pas compliqué, hein, le cachet, vous le laissez sous la langue, ça va fondre et puis génial. En fait, elle a le même truc en fait. Tu sais pas, t'es en train de t'énerver, attends, j'ai pas fini. Et donc c'est, ça s'appelle Oralair, c'est un truc nouveau apparemment, là, c'est pas encore. C'est déjà sorti mais c'est encore nouveau. Et donc la boîte, j'en ai pour 3 mois. Je dois prendre ça tous les jours pendant 3 mois, jusque là tout va bien, sauf que la boîte coûte 300€. Ah c'est une bonne boîte. Rien que le prix, et puis même tous les jours de fait bouffer un cachet, moi je sais pas, je l'oublie, moi il y a des jours où je l'oublie, je vais pas. Non bah ça va moi, parce que moi je l'ai dans la voiture et comme je la prends toujours la voiture, je le vois tous les matins, donc ça c'est pas un problème. Mais c'est juste 300€ et le mec me dit, je dis bon bah c'est 300€, c'est bon une fois? Ah bah oui, une fois par an. Ah bah donc voilà. Donc j'en ai pour. Il va te mettre une douille. J'en ai pour 1000€ si tu veux sur les 3 ans, donc je le dis, je vais être sûr que ça va marcher. Oh, écoutez, normalement oui, hein. En tout cas c'est un des meilleurs traitements, mais attends, est-ce que tu Anthony? Oui. Tu m'entends quand on parle, parce que j'ai l'impression qu'on a un problème avec le standard. En fait, j'ai un problème. Comme on parle parfois, tu commences à parler. En fait, j'ai l'impression que tu nous entends plus. Pour savoir si c'est toi qui as un problème avec le téléphone ou si c'est le standard qui est merdique. Non, pas du tout. Bah moi je vous entends bien, nickel. Ah d'accord, ok. Bon alors très bien. Alors tout va bien. Tiens, il y a Laura qui dit moi mon allergie c'est polo. Ah quand même. C'est vrai. Caroline qui dit heureusement que vous êtes là, sinon nos soirées seraient ennuyantes. Merci à tous. Bah merci d'être là aussi, Caroline. Gros bisous à toi. Nono aussi. Moi je suis rentré, j'avais les yeux explosés, mal à la gorge, le nez qui coule, fuck. Et Sim Radio qui dit j'ai tellement ramené de personnes que Toff pourra me prêter son scout. Ah bah, avec plaisir. Ah bah oui, surtout que là il est au garage là. Bah et en plus il y a des beaux jours maintenant, mais il l'a laissé pour le Vélib. Ouais. Bah oui, il a abandonné le célèbre scooter pour aller en Vélib. Terminé ça, il a tout abandonné à l'enfoiré. C'est, bon, c'est pour être beau gosse. Bah oui, je sais bien. T'as Jordan aussi qui dit salut Mickaël. Allergique aux acariens, pollen, poussière, allergique à Toff également. Bisous à toute l'équipe et continue comme ça, c'est que du bonheur avec vous le soir. Merci Jordan. Et c'est Dizzy qui dit je suis allergique à la pénicilline, je gonfle comme un sumo et je suis rouge comme une tomate. La haine. Ah putain, ouais. Ça c'est vrai. Moi, heureusement, j'ai aucune allergie à part, bon, graminée et acariens, mais ça ne fait que rien de grave. J'éternue, les yeux qui coulent, c'est chiant, mais. Oui, c'est rien. Je risque pas de crever, quoi. Polo, par exemple, lui, quand il bouffe des crustacés ou n'importe quoi, Il peut crever, ouais. Ah, il peut crever, hein. Mais juste la sauce, hein. Ouais, le médecin. Il gonfle aussi ou pas? Ouais. De l'œil et de la lèvre. En fait, mon médecin m'a dit écoute, mon garçon, tu as eu raison de venir me voir parce que si tu manges des crustacés, tu peux mourir. Ouais. Ah, bah écoute. Tout va bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, sympa. Hein. Donc, est-ce que vous avez des allergies aussi, genre ça, c'est genre tu gonfles, tu peux même clamser si t'as pas ce qu'il faut sous la main. Appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, attends, il y a Loïc aussi qui est avec nous là, des Bouches-du-Rhône. Salut Loïc. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, moi ça va, dis-toi. Bon bah ouais, ça va tranquille. Bah ça va très bien. En plus on va mettre dans quelques minutes là le son d'Avicii avec Let Me Down. T'aimes bien ou pas? Ouais, je kiffe. Bon bah très bien. Découvert sur Fun. C'est toujours un de mes sons préférés. Il tient bien hein. Ouais. Après l'Eurodance 25, on va faire le Mickaël 1. Où il y aura mon son préféré. On va voir combien de temps il va tenir à la première place. Il est bien, il est bien. Ouais, Let Me Down qu'on écoutera tout à l'heure. Il y aura aussi Pitbull avant minuit. We Are One. Et puis j'ai oublié de le dire aussi, mais comme chaque lundi, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Ah. Que nous aurons l'honneur de faire tout à l'heure. Je ne sais pas encore avec qui, mais si vous voulez jouer, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Loïc, t'es allergique à quoi toi? Alors moi, je suis allergique au chat, au pollen, à la poussière et à l'Advil. À quoi? Et au piqueur d'abeilles. À l'Advil, c'est un médicament. À l'Advil, d'accord. Ouais, c'est okay. Les trucs pour la tête. Ouais, l'Advil, ouais. Ouais, j'avais compris. Ouais. L'Advil, je sais pas ce que c'est. Ouais, l'Advil. En même, ouais. En même temps, les piqûres d'abeilles, il y a personne qui aime ça. Hein. Non, mais après, tu peux gonfler. Hein. Ah oui. Bah, moi, il y en a qui gonflent. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout si te pique au niveau du cou, tout ça. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, non, après, oui, bien sûr, personne n'aime bien. J'ai jamais été piqué par une abeille. Et dans le cul, ça marche ou pas? Si l'abeille te pique? Dans le cul, et tu peux mourir ou pas? Bah, le cul gonfle. Non, mais je pourrais plus chier. Ça fait des hémorroïdes. Bon, écoute. C'est une troisième fête, quoi. Bon, bah, si c'est que ça, ça va, hein. T'as, y a Samuel qui dit, ma tante est allergique au soleil, du coup, elle est toujours en pull. Putain, ça, ce serait une de mes pires angoisses. Moi, j'adore le soleil, j'aime bien être en dessous du soleil, quoi. Mais alors, putain, si j'étais allergique au soleil, je pense que je serais malheureux. Mais mon daron, il a ça. Mais oh, tu sais que moi, Mickaël. Quoi? Je suis allergique, par contre. Mais il y a un tas de trucs aussi auxquels je suis allergique, hein. Donc poil de chien, poil de chat, pareil exactement. Il y a aussi un arbre, ça s'appelle le bouleau. Ah oui, le bouleau. Et quand, ouais. quand j'ai vu ça, j'étais mort. Attends, stop. Attends, va faire la vanne. Non. Le bouleau, attends. Moi aussi, je suis allergique au bouleau. Je n'ai jamais travaillé. Non. Ouais, bon, bah, il avait écrit, mais il a posé l'affaire. J'ai vu, il a pris son. Parce qu'il a un petit stylo. Oui, il écrit ses vannes avant. Ouais, il écrit sa petite vanne, il veut la placer, mais là, il a pas osé. Voilà, il a eu peur, tout simplement. Exact. Ça, vous avez présumé de ma vanne. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc toi t'es vraiment, t'as plein de trucs, c'est une horreur. Mais en fait j'avais fait un test en fait donc chez le médecin en fait hein, donc truc prise de sang et tout bordel. Ouais, en fait ouais. Ils avaient vu en fait, ils avaient tout sorti mes trucs, mes allergies, mais il y en a une chier. Il y a des trucs acariens, je sais pas quoi, poil de chien, donc poil de chat, le bouleau, il y a des arbres que je connais même pas, des noms que je connais même pas non plus. Ouais, t'es allergique aux poils de chatte. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, par contre, ça c'est pas le truc que je peux manger, j'allais dire. Et quoi, des poils de chatte? Bon écoute, j'ai ça de prix, note, hein, vaut mieux. Bah merci en tout cas Anthony et Loïc d'avoir appelé là, vous revenez quand vous voulez tous les deux. Bah écoute, c'est cool, merci, je peux passer une dédicace. Vas-y Anthony, il y a une seule personne, yeah. Choisis la bonne. Voilà. Eh bah, une bonne personne, bah, RST Studio, Igloo, et voilà. Voilà, une seule personne donc. Hein, bah, ouais. ça regroupe. C'est vrai, bon, et ça va voilà. Alors. Ça roule, salut Anthony. Merci à vous êtes géniaux, continue comme ça. Merci Anthony, à bientôt. Et puis Loïc, bah tu reviens quand tu veux. Hein. Bah, je peux faire un petit dégât. Eh bah, vas-y aussi, il y a une personne, choisis aussi la bonne. Charlie qui m'écoute là, il y a toutes les personnes du collège de Belka. D'accord. Eh bah, ben très bien, parfait, sans problème, le message est passé. Salut à toi. Allez, ciao. Allez, à bientôt Loïc. On aura Alexandre aussi dans quelques minutes, 20 ans de Brunel. Salut à toi. Salut Mickaël. Salut Alex, oui. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah tranquille, ouais. Pépère. Bonjour à toute l'équipe. Eh bah salut Alex. Salut. De salut. Quoi on va parler avec toi dans quelques minutes? Ça marche. Non, je disais de quoi on va parler. Ah, de quoi on va parler? Bah ouais. Je viens de péter le pare-brise de ma C5, une voiture de fonction que mon patron il m'a filé il y a un mois. Ah, bah, il ça va, c'est pas grave ça. Bon, bah, on va en parler dans quelques minutes. Du coup, t'es en panique? C'est un tyran le patron ou c'est quoi, non? Bah disons que le patron, il joue son rôle de patron quoi. Quand, ouais, c'est le patron quand quoi. Dit quelque chose, faut pas se louper quoi. Ouais, t'inquiète, ouais. Je vais l'appeler, je vais lui dire. Bah oui, on va se faire passer pour Carglass. Voilà, oui, bonjour bah, monsieur, place, c'est Carglass. Bon attends, reste avec nous, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé Alex, reste là. On aura dit bah Thibaut aussi de retour avec la colle. Et puis les appels malveillants avec une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui regardent du porno. Oh non. Et oui, et surtout ceux qui ne regardent qui en regardent beaucoup comme Toff par exemple. Et c'est très mauvais hein, pour votre cerveau apparemment. C'est une étude d'un journal de médecine américain qui le dit. Plus vous regardez du porno, plus votre lobe droit devient rigide. Ah merde. Eh oui. Donc Toff, bah il faut que tu préviennes tes amis. Bah oui, avant, parce que là c'est dangereux. Ah oui, avant qu'il ne soit trop tard, on va les appeler dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous avez des numéros de téléphone d'ennemis ou d'amis à qui vous voulez faire une vanne, eh ben n'hésitez pas, on va les appeler dans quelques minutes. De préférence des gens un peu nerveux comme eux. De trucs du cul. Ouais. Voilà. Va te faire enculer, ben c'est mort, va te faire enculer. Bon, des gens très sympas, comme vous avez pu le remarquer. Envoyez des numéros de téléphone à Tof, on les appelle. Vous allez vous envoyer ça sur toph@funradio.fr. Il y a Lily qui dit: vous m'avez manqué, je viens à peine d'arriver. Un coup de pelle pour moi s'il vous plaît. Gros bisous à tous. Allez hop, le coup de pelle est là et gros bisous Lily. Il y a Nicolas qui dit: allergie aux autres stations de radio que la vôtre que j'aime. Oh c'est gentil Nicolas. Et puis William qui dit: ça fait 8 mois que je vous écoute, alors je mérite bien un message de bienvenue. C'est vrai, il est vrai, il est vrai. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà, mais bien entendu, je n'ai rien contre ta mère et ce n'est rien de personnel, William. Et Alexandre qui dit: je suis allergique aux anti-allergisants des anesthésiquaires. Des années. Bon, j'ai rien compris, Alexandre. Il y a M. Capitaine aussi qui dit: moi, je suis allergique au pollen, ça va jusqu'à me faire saigner du nez. Ah, bah oui, c'est à force de te moucher en fait que tu saignes du nez, c'est pour ça. Bon, bah appelez-nous si vous êtes allergique à des trucs en particulier, là, venez, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors, deux bonnes nouvelles, c'est qu'on est au cœur d'une heure sans pub. Et autre bonne nouvelle, c'est que ce soir, bah, on va vous mettre un petit peu de pub dans 15 minutes là. Et puis on aura la nuit sans pub juste après. C'est Mickaël No Limites sur Fun Radio, on est là jusqu'à 2h. Bienvenue. Le son d'Amici. Et ouais, sur Fun Radio, c'était les Midas, on est au cœur d'une heure sans pub. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël No Limites dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et restez là puisque je vous tiens le Pitbull et Gino dans un instant. We are one sur Fun Radio. Et puis, Roll Chéri, je peux te faire cocu aussi dans une demi-heure. Restez bien à l'écoute de Fun et les appels malveillants à caractère pornographique. C'est comme ça que la police appelle les appels de Tof, hein, parce que je rappelle que Tof a déjà été à la police à cause de ça. Mais oui, je voilà. Suis poursuivi. Poursuivi pour l'instant. Va-t-il aller en prison ou pas? On verra bien. T'imagines, travaux d'intérêt général. Ah, ça serait bien. Nettoyage des rues. Oh, ça serait bien de le voir comme ça, en train de nettoyer les rues, en train d'enlever les mauvaises herbes. Voilà, enlever les mauvaises herbes, mettre les guirlandes de Noël. Oh, ça serait bien. Ce serait drôle, hein. Ah ouais, ouais. Bon, alors du coup, on va faire un petit appel, puisque nous avons vu une étude dans un grand journal de médecine américaine qui dit que, apparemment, regarder des films porno, c'est mauvais. Plus on regarde de films porno, plus le lobe droit du cerveau devient rigide. Ah merde. Donc, une information très importante que nous prenons très au sérieux, évidemment, vous nous connaissez. Donc, on va appeler des gens pour les prévenir en fait. Bah oui, à voir s'ils regardent beaucoup de porno ou pas. Ah bah oui. Allez, c'est parti, on y va grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant, 23h35 sur Fun. Allez. Allez. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari regardait beaucoup de films porno, madame. Pardon? Bah, est-ce que votre mari regarde beaucoup de films de cul? Pourquoi vous en regardez, vous? Bah, ça m'arrive. Non, mon mari ne regarde pas ça. Pourquoi? Ah, parce que c'est dangereux, madame. Hein. C'est dangereux pour son cerveau. Oui, ben là, il faudrait peut-être arrêter vos conneries. Hein. Mais c'est pas une connerie, madame, c'est très sérieux. C'est un journal américain qui a fait une étude là-dessus. Oui. Déjà, il faudrait déjà avoir un mari, hein, je vous le dis. Hein, ah pour qu'il regarde des films porno. Hein. Ah bah oui. Hein bah, écoutez, tant mieux si vous n'avez pas de mari. Comme ça, au moins, ça lui évite d'avoir des problèmes. Au lieu de téléphoner en anonymat et me débiter vos conneries, allez les faire ailleurs avec votre numéro. Ah mais okay, c'est pas des conneries, madame, c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux, mais moi je vous dis, je n'ai pas de mari, oui. Et vos films porno, ouais, tout, allez vous branler, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. D'accord, madame. Mais... Allô? Ah oui, ça mérite d'être clair. Bon, ouais. On va le rappeler peut-être, hein. Je pense qu'elle a pas bien compris le concept. Bah oui. Rappelons un petit coup quand même. Hein. Allez, c'est parti. Et puis on aura la colle avec Thibaut après, là. Les petits coups, tu vas pas me peler les couilles, hein. Bah non, madame, enfin, vous êtes quand même un petit peu agressive, un petit peu vulgaire quand même. Eh oui, mais tu n'as qu'à téléphoner avec ton numéro, ok, au lieu de le faire en appel en anonymat. Mais oui, mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, mais je vois pas en quoi ça va vous aider, madame. Oui, j'en ai rien à foutre, moi. Retéléphone-moi encore une fois et je téléphone aux flics pour dire que tu emmerdes les gens avec des trucs porno. Oui, c'est ça. Allô? Bon, allez hop, elle va appeler les flics, donc ça nous chauffe. On rappelle? Toujours, moi. Allez, encore une fois, petite dernière, là. C'est moi qui régale. Me fais pas. faire chier. Non, je voulais juste vous dire que en fait, quand vous allez appeler la police, vous devez juste dire que c'est des appels malveillants à caractère pornographique, pour pas vous tromper. Ouais, ouais, mais hey, tu me prends pour une branque ou quoi, franchement. Je me permettrai pas, madame. Non, non, mais alors arrête-toi au cinéma, hein. Mais je suis pas du cinéma. Tu sais même pas à qui tu as affaire derrière le combiné, franchement. Et tu te permets de téléphoner. Bah oui, pourquoi je pourrais pas vous appeler, madame? Oui, oui, oui, oui, mais tu n'as pas à m'appeler, ça va? Bah si, puisque là je vous ai appelé. Hein? Parce que moi tu me fais chier. Oh non, madame, c'est pas gentil ce que vous dites. Mais non, moi je dis ce que je pense. Bah c'est pas ça très gentil ce que vous pensez, madame. Hein? Voilà, alors maintenant on va faire... Trouve-toi un autre numéro de téléphone, fais chier la personne et fous-moi la paix. Ok? D'accord, madame. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée quand même, hein, parce que vous avez l'air quelqu'un de très sympathique. Ah bah voilà, elle a bien confirmé, hein. Ah bah adorable. Ah très très sympathique. Adorable. Trop sympathique. Bon bah 23h38 sur Fun, hein. Du coup avant de reparler d'allergie avec Johan et Charles, ouais. Eh ben on va en profiter pour reprendre Thibaut. T'es là Thibaut? Ouais, je suis là. Allez, c'est parti le doux, on y va pour faire péter la colle encore une fois afin de peut-être gagner ou de faire gagner l'iPod Nano dernière génération. Ça vaut 180€, il sera peut-être pour toi. Vas-y, fais péter la colle. Alors mon premier est un animal. Mon deuxième est une couleur, mon tout est un personnage de dessin animé. Qui suis-je? Alors, si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer Mickaël, suivi de la réponse, au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Aurélien sur le Facebook qui proposait Rookie. Non. Il y a Youssif qui proposait ma bite. Non, bah toi, Polo l'avait pas essayé, voilà. C'est bizarre. Mélissa qui proposait Tigrou. Non. Laurent qui proposait Calimero. Non. Flavia sur Facebook, Dumbo. Non. Non, c'est Marsupilami, bande de trous du cul, c'est Dany. Eh ben c'est pas le trou du cul parce que c'est pas ça. Eh ben voilà, et Stacy encore Spider-Man. Eh ben non. Bon bah tant pis, hein. Y'a Ryan qui dit moi je pense que c'est Toff. Ben non, c'est. Non. Ah non. Ah merde non en fait ils disent. Non, attends, c'est Ryan qui disait bah moi je pense que Toff est marrant. Et comme c'était avec les réponses, je me dis j'ai cru que c'était qui disait que c'était Toff. Ah, pas du tout alors, très bien. Surtout un gros con, oui. Bon, tu vas te calmer. Thibaut, hein. tu vas te faire démonter par Polo par l'armée là. Tu vas te faire démonter. Bon Thibaut, reste avec nous. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et puis votre réponse par SMS au 64 900 ou alors sur le Facebook, vous tapez Mickaël officiel et puis bah vous avez la colle écrite avec également la photo de l'iPod Nano dernière génération qui est à gagner. Si vous êtes tiré au sort avec la bonne réponse à 00h30, vous repartirez avec cet iPod Nano. Et puis dans le cas contraire, c'est Thibaut qui la gagnera. Tu restes avec nous Thibaut? Oh bah bien sûr, je pars pour la gagner. Eh ben bouge pas de là Thibaut. On a Charles avec nous maintenant de Paris là. Salut Charles. Salut Mickaël. Comment ça va? Bien et toi? Bon très bien, très bien. Tiens, il y a Lily qui dit aussi, vous êtes des kamikazes morts de rire. Heureusement que vous êtes là pour nous faire rire. Oui, c'est vrai qu'on tente des trucs de fou. Comme tout à l'heure, on aura le gainage. Ah oui. Ah ça c'est un truc de 45 fou. 45 secondes aujourd'hui. Oh là là là là. Guillaume aussi qui dit salut toute l'équipe. Toff, n'écoute pas toutes les critiques que l'on dit sur toi, car je rappelle que si Toff n'était pas là, l'émission. Ne serait pas au top. L'émission ne serait pas la même. Continuez comme ça toute l'équipe et vive Toff. Merci, ouais, mais tu sais merci, Guillaume que Guillaume. Si on faisait l'émission avec un chien, bah l'émission ne serait pas la même. Non mais c'est vrai. Non je veux dire dans l'absolu que si on enlève quelqu'un de l'équipe, l'émission ne sera plus la même. Oui elle sera différente. Sera-t-elle meilleure ou moins bonne? Ça après c'est une question de choix. Mais c'est une question de goût aussi. Mais elle ne sera pas la même. C'est vrai? Bah oui, oui, bon, bah oui. Voilà, bah regarde oui. Là maintenant, il est 23h41, l'émission était d'une certaine manière. Là maintenant, on prend Charles, et eh ben l'émission n'est plus la même. Non. Voilà, ça va Charles? Effectivement. Bon, ouais, bah, ouais. Bienvenue à toi. T'appelles d'où, dis-moi, à Paris? Non, je crois, pas de Paris. Oui, non, ça j'ai bien compris. Enfin, dans la banlieue, dans la banlieue. Ah, dans la banlieue, très bien. Bon, bah 109 pour écouter Fun à Paris. Charles, tu nous appelais par rapport aux allergies. Ouais. Bon, en même temps, à Paris, t'as pas grand-chose, hein, à part la pollution. Bon, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux. Si, t'as ce putain d'arbre là qui mettent partout. Et tu sais, t'as des espèces de trucs que quand t'es petit, tu fais du poil à gratter avec. Tu vois la boule là? Ah oui, en fait, oui, y en a oui, partout. Oui. Je sais pas comment ils appellent cette merde. Je sais plus. Ouais. Et dès qu'il y a un coup de vent, tu reçois tout dans la gueule, dans les yeux. Ouais, et j'ai moi, jamais compris pourquoi ils mettaient ça dans les villes. Mais c'est le truc, c'est un poison. Hein, mais le oui, il y en a partout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, à mon avis, ça doit pas être cher ou tu sais, ça doit pousser facile, tu vois, sans trop de problèmes. Ça tient dans la pollution. Peut-être. Ouais. T'es allergique à quoi, toi, du coup, Charles? Moi je suis sorti avec une fille qui était allergique au soleil. Ah oh, c'est là, bon, là, là, là. Bah oui Toff en parlait, son père il est allergique mais, au soleil. Ouais, mais c'est, mais en du fait, coup t'as quoi en fait? Ça gratte, t'as des plaques? Non, c'est non quoi en fait au début il est tout rouge. Donc genre comme s'il avait pris un coup de soleil violent. Ouais. Et en fait après il attrape plein de petites pustules, tu sais, mais genre comme si sa peau était en train d'éclater quoi. Ouais, des cloques. Non, c'est pas des cloques, c'est vraiment des pustules genre les boutons d'acné quoi. Ah Ah. Et donc il y a des traitements à l'intérieur et tout, c'est horrible. Ah oui, il y a peut-être des traitements, mais une fois que tu l'as, ouais. Le problème c'est que t'es lui il a pas le choix en fait, il met de la crème genre indice 200 et sinon c'est plus de la crème, hein, c'est un pull. Oui, mais c'est ça, indice 200. Non, mais plâtre. Ouais, c'est ça, tu mets du plâtre. Ouais, mais c'est ça qui est marrant, c'est quand tu vas quand j'étais petit, qu'on allait à la mer et tout, tout le monde était en maillot, machin, et mon daron il était avec sa chemise, le parasol, et il était là sur la plage. Non, ça doit être une angoisse quand même. Ouais. Parce que même quand tu vas dans la mer, au final, tu vas à la piscine, t'es emmerdé. Ouais. Ah non, il va pas à la piscine sauf si elle est couverte, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est ça qui est dommage, quoi. Enfin, sinon, avec les reflets de l'eau et tout, et comme ah la, oui, la, c'est encore pire. La crème elle s'enlève, oh, c'est coup, encore et pire. C'est un enfer. Et toi, Charles, du coup, ta copine, c'était comment là, comment elle le vivait? Bah c'était pas terrible parce que déjà elle était pas en maillot de bain donc voilà. Ah ouais, du coup tu pouvais pas te pignoler en la regardant forcément, un ouais, peu galère, bon. Quoi. Après il y a le soir, hein. Ah oui, c'est bah du coup elle se mettait en maillot de bain la nuit. Non mais elle faisait que les pool parties. Et ouais, reste, c'est ça. Pas. Non mais c'est bien aussi les pool parties, hein. Mais si ça se trouve ta meuf c'était un vampire. N'importe quoi. Et elle te mentait, mais attends, t'entends, imagine-toi la scène. En fait, c'est un vampire. Elle te mentait parce qu'elle pouvait pas sortir au soleil. Donc elle se mettait une couche de crème pour essayer, tu sais, pour pas que ça passe, quoi. Mmh. Ouais. Et ouais, ma gueule. Tu devrais bosser sur Sci-Fi, là. Ouais, j'avoue. Je pense que t'as peut-être un peu de. T'as peut-être une carrière au final, à faire. Au final, t'as de la chance qu'elle n'a pas. Elle ne t'a pas sucé le sang. Ouais, peut-être. Bah, le sang, en l'occurrence. Hein, ouais. Parce que si elle t'a pas sucé, c'est toi qui n'as pas de chance. Ah, bon, alors ça va, alors. Très bien. Attends, il y a aussi Johan avec nous, là. Salut, Johan. Salut Johan. Allo. Salut Johan. Ça va Johan? Salut Mick, ça va? T'es là? Bien. Ouais, Mick, là, tranquille là. Bon bah bienvenue Johan. Alors t'es allergique à quoi toi? Bah moi je suis allergique au latex en fait. Ah merde. Ouais c'est vrai qu'on en parle rarement mais ça existe, hein. On en parle rarement mais... C'est lié au kiwi la... Ah, c'est, la vie t'es pas un kiwi, hein. T'as une copine ou t'as pas de copine. Non, il dit non, que c'est lié au kiwi. Au fruit du kiwi, je te parle pas de ça, c'est lié au kiwi. Une petite aventure un petit peu... C'est... En fait, avec des amis, on est descendu dans le sud. Ouais. Et en fait, on a été... je sais pas si vous connaissez, on a été un petit coup à la Jonquera. Putain, en fait, mais c'est pas arrivé... possible. Mais tout le monde va à la Jonquera, c'est quand même pas possible. Nous sommes jamais allés, les gars, faut qu'on fasse une descente. Mais attendez. Attends, mais attends, ils vous donnent rendez-vous tous là-bas ou quoi? Bah oui. La France entière doit débarquer le samedi là-bas. Non, c'est juste aux auditeurs. C'est dingue, ça. On oblige, pour passer le petit week-end avec les amis. Ah ouais, avec les amis, ouais. Ah bah oui, bah bien avec sûr. Avec la clique, avec l'équipe. Oui, bah bien et sûr. En fait, j'ai eu un petit souci, en fait. Ouais. J'ai été voir, enfin voilà, une prostituée, tout ça. Et le problème, c'est que je lui ai expliqué mon souci, que j'étais allergique au latex. Et... Sauf qu'elle comprenait pas trop. Et en fait, j'ai essayé de latex, lui expliquer... Latex, allergica, allergica, los latexos. Et sauf le souci, c'est que je croyais qu'elle m'en avait mis une sans latex. Et je l'ai mal comprise, et en fait, voilà. Oh, et donc, tu as eu un chou-fleur. Elle a kiffé la meuf, non? Ouais, franchement, ça, c'était bien. Mais par contre, ça a pété le frein. Ah bah oui, forcément, oui, bah avec l'allergie et tout ça. Tout ça, tout le bordel. Bah, du coup, si t'apprendras, prends des capotes avec toi, des capotes sans latex. C'est un peu plus cher, ouais, mais au moins t'es tranquille. Voilà, ouais, mais tant pis, mais bon. Ça te fait quoi, en fait? Ça te fait des plaques rouges partout? Ouais, ça fait des plaques rouges, puis ça gonfle. Oh, et en fait, mais juste pas sur la bite ou tout autour? Bah, un petit peu partout. J'en avais de partout, puis ça a saigné de partout, parce que... Ça a saigné. Ouais, quand le frein pète, ouais. J'en ai pris de partout. Oh. Et puis, bien évidemment, après, vu que ça a saigné, parce que la capote, bien évidemment, elle a cassé. Bah oui. Oh là et là. Puis, bah voilà, j'étais un petit peu en situation de stress, tout ça. Ah bah, je alors que j'ai voulu aller me faire dépister. Bah bien oui. Évidemment, le dépistage, bah voilà, quoi. Mauvais. Vas-y, elle est foutue. Hein? J'ai chopé le sida. Ouais, t'es sérieux, là, ou tu te fous de nous? Ah, sérieux? Ah non, y a pas de... Non, non. Parce que je viens de voir dans le standard, là, t'as 15 balais et t'as été à la Jonquera te faire pécho par une prostituée. Ouais, ouais. À 15 ans. Ouais. 15, mais là, je vais sur mes 16, mais oblige, c'est la mise qui m'a emmené et tout, c'est pour ça. Ah ouais? Et c'est arrivé quand? Ouais, ouais. Quand? Mais c'est arrivé quand t'étais à la Jonquera? Ah, c'était l'été dernier. L'été dernier, donc t'avais 14 ans, ouais. Ouais, j'allais sur mes 15 ans. T'avais 14 ans et t'as été voir des putes. Et la meuf, elle t'a... C'est les cousins qui m'ont emmené là-bas. D'accord, ok. Ah ouais. C'est 529, ethnies, grosse tête, B2, ouais, enfin tout le monde, PRC. Quoi. Ouais, bah, tout le monde. Bon, hé, Charles. Ouais. Bon, vous avez bien compris que le mec, il a juste passé sa dédicace, évidemment. Bon, heureusement d'ailleurs. Ouais. Bon, enfin bon. Bon, bah Charles, merci d'avoir appelé. En tout cas, tu reviens quand tu veux, hein. Ok, bah je reviendrai. Bon, bah ça roule. Salut Charles, à bientôt, hein. Salut. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, allez, bah j'espère que ça lui apprendra et qu'il a... et j'espère qu'il chopera, tiens, le Johan, une maladie de merde comme ça, tiens, juste pour qu'il comprenne un peu ce que ça fait. Non, mais parce qu'après, t'as les mecs qui ont vraiment la maladie, ouais, juste pour passer pas, l'antenne, ouais. Genre j'ai le sida, tu vois, alors que c'est quand même un truc grave, c'est dommage de, ouais, de faire ça. Bon, bah. Bon, restez sur Fun Radio, il y a le chéri, je peux te faire cocu, ça va être bien drôle. Ça va arriver avec Marie dans quelques minutes pour jouer avec nous. Et puis Pitbull avec Gilo sera We Are One. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, il est 23h52. Il y a le chéri, je peux te faire cocu, qui va arriver dans quelques secondes sur Fun. Ce sera avec Marie. Il y a Antoine qui dit salut l'équipe, je vous écoute tout le temps quand je peux continuer comme ça. Bah, c'est gentil Antoine, on va essayer de continuer comme ça. On démarre aussi la nuit sans pub. Là, on est en mode pépère jusqu'à la fin de l'émission sans la moindre pub. Coucou l'équipe, moi je suis allergique à tous les produits bio ou naturels, genre maquillage, crème, etc. Mon corps est trop habitué aux chimiques. Et Camille aussi qui dit moi je suis allergique aux trucs de platane aux œufs et aux produits laitiers. Et c'est chiant de toujours faire attention de pas en manger. Ouais, c'est clair. Moi j'ai mon neveu qui est allergique aussi au tout ce qui est cacahuètes, tu vois. L'arachide, tout ça. C'est une galère aussi. C'est envie de lui donner un truc. Surtout quand il était petit. Bon, aujourd'hui il sait ce qu'il a envie de bouffer, mais tu sais, quand il est petit, ah bah tiens, tu lui donnes un petit chocolat ou quoi. Oh, surtout pas. C'est est-ce que je peux faire juste une parenthèse? On n'a pas dit qu'on était allergique au mec qui s'appelle Rachid. Non, parce qu'on les connaît, les mecs. Ouais, on connaît les Rachid, hein, je veux le dire. Oh là là, Johan qui dit salut, pourquoi Toff il prend cher comme ça, il a rien demandé lui. Non mais t'inquiète pas, si nous on sait pas pourquoi il prend cher, lui le sait. Ouais. Et Oriane qui dit joyeux anniversaire à Ludivine. Et bah voilà, le message est passé. Le Bostiakov qui dit ça fait longtemps que je vous ai pas écouté. J'ai été puni car j'ai encore collé des autocollants dans le bahut, donc puni de portable. Oh bah merde le Bostiakov là, merde. Pourra pas te confisquer autre chose tes parents là? Bah oui, tes cahiers, enfin quelque chose, pas, ouais. T'as pas besoin quoi. Quelque chose quoi, mystique, moi je suis allergique aux acariens, aux graminées, à la poussière, un peu comme moi. Sandra, moi je suis allergique aux cons. Ah, désolé Sandra, hein, tu ne pourras jamais voir et rencontrer Taf. Ouais, Fred S34 qui dit je fais des allergies, mais on sait pas de quoi. Si au stress et à Toff probablement. Je suis allergique aux acariens pour Céline et Cheyenne qui dit Mickaël, ça fait trop longtemps que je vous ai pas écouté. Ça m'avait manqué de fou de ouf. Je vous aime. Ah ouais Cheyenne, je me souviens, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'avait plus cité toi, Cheyenne. Ah oui. Ah oui. Bah, je suis content que India, retour. Le piou-piou, tout ça. Exactement, ouais. Là. Exactement. India, le piou-piou qui a disparu de la circulation d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Aucune nouvelle d'India, le piou-piou. On va peut-être faire un avis de recherche. Bah, peut-être, exactement. C'est comme Let's Be Freaks. Bah, ça part et ça va et ça vient. Elle a trouvé peut-être un mec. Bah, peut-être. C'est tout ce que je lui souhaite. 23h54 sur Fun Radio. Bon, on va récupérer, comme promis, Alexandre qui vient de casser le pare-brise de la voiture de sa voiture de fonction. Et avant ça, eh ben, vous le savez, c'est parti maintenant avec le chéri, je peux te faire cocu. Et chéri, je peux te faire cocu avec Marie qui est avec nous là maintenant là. Salut Marie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon écoute, ça va tranquillement. Toujours quand on fait un petit chéri, je peux te faire cocu. Ah oui. Bon, on va donc appeler ton mec maintenant Marie. Comment s'appelle-t-il? Ouais. Baptiste. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 7 mois. Vous habitez ensemble ou pas? Du tout. C'est-à-dire que lui habite chez lui, toi chez toi. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Construire les cercueils. Non mais c'est à dire quoi, il met les planches, il met les clous et puis il ferme Non, il travaille le bois surtout. Bon écoute, on va essayer de négocier un cercueil après alors. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a des défauts physiques? Genre est-ce qu'il a pris un peu de poids depuis que vous êtes ensemble? Est-ce qu'il est trop petit, trop grand, trop gros, les cheveux qui tombent? Il est un peu petit. Et genre il mesure combien? Il fait ma taille, il fait 1,63 je crois, être comme ça. Ah ouais, donc tu peux pas mettre de talons quoi. Ah oui, effectivement, très petit, ouais. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, quand je mets des talons, c'est chaud. Ouais, 1m63 pour un mec, c'est quand même chaud. Hein. Ouais, c'est quand même bien petit. Hein. Bon, c'est tout ce qu'il a comme défaut, non? C'est déjà pas mal. Et si, il a un œil plus petit que l'autre. Comment ça plus petit? Mais il tombe quoi, c'est bizarre. Oui, en fait, on dirait qu'il est triste. Voilà, il est triste d'un côté. Il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. En fait, c'est Elephant Man, ton mec. Ouais, c'est ça, il est triste d'un seul côté en fait. Bon, ok, d'accord. Ok, est-ce qu'il a une passion, quelque chose? Il adore le foot. Le football, très bien. Il est football, il est supporter de quelle équipe? Barça. Bon, ben, j'aurais pas trop de mal à le chauffer, à mettre en avant Cristiano Ronaldo, blablabla, la Ligue des Champions. Il sera ravi, à mon avis. Je pense que ça ira très très bien. Bon, où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Puisque tu vas lui faire croire que t'as rencontré un mec, en l'occurrence moi, Michel, supporter du Real Madrid, évidemment, Cristiano Ronaldo, etc. Et surtout, et ben, forcément, bah, comme on sait plus physiquement, et ben, je t'ai proposé de coucher avec toi un soir. Tu m'as dit, ok, mais faut que je demande à mon mec. Et là, tu l'appelles en lui précisant bien qu'il n'y a pas péril dans la demeure, que tu ne veux pas le quitter, ni même avoir une relation longue durée avec moi. C'est que pour un soir, qu'un one shot. Et donc voilà. Donc on aurait pu se rencontrer où récemment? T'as été où avec lui, sans lui, pardon? Ben, à mon club de striptease. Voilà. À ton club de? Tu tiens un club de striptease ou tu es toi-même stripteaseuse? Non, je suis une stripteaseuse. Ah, parfait. Ah, Marie, d'accord. Combien mesures-tu? Ouais, mais elle est maquée, Toff. On bat les couilles. Il arrive un moment. Elle l'a dit 1m63. Combien oui, ouais, ça, on savait déjà. Ouais. Combien pèses-tu, Marie? Je pèse 51 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Ah, oh, des comme Denise. Mais c'est les tiens? Oh, voilà. Ah, non, oui, c'est les vrais, c'est que du naturel. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Et quoi? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oh. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Écoute, ouais, nous serons le 17 octobre à Toulouse, si mes souvenirs sont bons. Ouais. J'espère que tu nous mets des petites places VIP au club de striptease. Ah bah oui, moi qui suis un spécialiste mondial. Bon, et il a pas de mal avec ça, parce que... Ah si, énormément. Ah ouais, d'accord. Et, mais vous êtes rencontrés où, vous? Ben, pendant un show. Ah oui, donc le mec il est quand même gonflé. C'est-à-dire qu'il te rencontre, il sort avec toi et après il râle que tu fais le striptease. Tu fais pas de lap dance toi aussi? Si. Enfin, vu le matériel qu'elle déshabille, effectivement, on doit pas s'emmerder. Oh putain, c'est bon ça. Bon, eh ben écoute, on va y aller, on va l'appeler. T'es blonde ou brune? Brune. Brune, les yeux bleus, brun? Non, marron. Marron, d'accord, ok, très bien. Non, mais que je sache au moins. T'as pas des tatouages, un truc comme ça? Avec qui je dois coucher, quoi. Oui. T'as pas des... Est-ce que t'as des tatouages à des endroits un peu secrets? Non, j'en ai un à la nuque. T'en as un sur... Et t'as pas un truc... attends, tatouage, et il représente quoi? C'est une croix. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Il n'y a pas un truc que personne ne voit ou personne peut voir, sauf les chanceux? Mais j'ai un joli grain de beauté sur mes seins. Eh ben parfait. Oh putain, c'est où bon, ça? Entre les deux. Oh là là là là, mais c'est fou ça. Parfait, entre les deux seins. Ok, eh ben écoute, ça me paraît pas mal ça, hein. J'ai jamais pris autant d'infos de ma vie. Allez, c'est parti, on y va, on appelle Baptiste donc. Et puis plus t'arrives à le chauffer, plus il devient ouf. Et plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Et là c'est Nintendo 3DS XL qu'on offre ce soir. D'accord. Allez, on y va. Alors. Normalement quand on a une meuf comme ça, on devrait s'énerver s'il y a quelqu'un qui tourne autour. Allô? Allô mon chéri? Oui. Oui, ça va? Oui. Oui. Dis, je t'appelle parce que voilà, j'ai eu un client à une soirée et on va dire que le feeling entre lui et moi, il est super bien passé. Et en fait, bon, je peux dire, il m'a proposé un petit plan cul, quoi, d'un coup d'un soir. Donc, je lui ai dit que j'avais un copain, donc je viens te demander l'autorisation avant plus tard. Ah, normal, quoi. Comme ça. Ben ouais, non, mais c'est rien, c'est juste un. C'est vrai, coup, mais c'est vrai, quoi. Ben non, mais c'est un petit coup comme ça, c'est histoire de pimenter. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est qui derrière? Ben c'est Michel, c'est le client que je te disais. Ouais, c'est Michel, mais d'accord, je suis chez lui. Plus là. Ben oui, je suis chez lui. Mais c'est quoi, vous êtes mal ou quoi? Bon, allez vite là, on n'a pas la nuit là, vas-y. Ouais, dépêche-toi, parce que c'est vrai qu'on est en petite soirée romantique, sexy. Ouais, donc, comment ça, romantique, mais vous êtes... Non, mais ils vont me rendre... Attends, mais hey, passe-le-moi sinon là, je vais négocier. Non, mais je te le passe. On appelle le négociateur. Oh, mais je vais enculer, quoi. Allô? Allô? Salut, c'est Michel. Ouais, enchanté Michel, mais qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Bah t'as pas expliqué? Bah si, elle m'a expliqué, mais tu vas pas la toucher, c'est quoi ce délire? Ah non, mais c'est-à-dire que en gros, si tu veux, bon, j'ai été la voir par hasard, tu vois. Bon, après, elle est venue, on s'est approché, bon, j'ai payé mon verre, quoi, tu vois, un gentleman. Ouais, t'as fait un petit sourire et tout ça, là, et chaud, bah, et voilà, quoi. Exactement. Et donc, du coup, on a discuté, et moi, j'ai tenté ma chance. Moi, je savais pas qu'elle était maquée, moi, c'est une stripteaseuse, moi, je savais pas qu'elle avait un mec. Ouais, bah, elle est marquée, tu vois. Oui, non, bah, je sais, ouais. Donc, du coup, ouais, je lui dis, bah, écoute, c'est pas grave, il en saura rien, etc. Elle m'a dit, non, non, ouais, je veux pas faire ça, donc c'est bien, tu vois. Oui. Et donc, du coup, je lui dis, bah, écoute, tu sais quoi, t'as qu'à lui demander. Et donc, du coup, elle m'a dit, bon, écoute, je lui demande, et puis voilà, donc on en est là, quoi, tu vois. Bon, après, entre ouais, de toi à moi, c'est pour lui faire plaisir, hein, qu'elle te demande. Ouais, vous êtes des putes, ouais, vous êtes des grosses putes, quoi. Comment ça, des putes? Mais y'a pas ouais, y a aucune question d'argent, hein. Bah non, mais y a pas ça, mais ça veut dire quoi là? Tu vas tirer ma gonzesse parce qu'elle a eu un petit coup de chaud, ça veut dire quoi ça? Non mais elle a eu un coup de chaud, on a eu un coup de chaud. Elle m'appelle et puis voilà, moi je la défonçais bien assez pour qu'elle aille voir ailleurs. Bah visiblement quoi, pas, puisqu'elle a dit que ça faisait longtemps, enfin pas longtemps, mais je veux dire qu'on vous voyait pas tout le temps, etc. quoi, donc voilà. Bah oui, on se voit pas trop, on se voit que le week-end, mais bon. Et en plus elle m'a dit que ça la changerait de coucher avec un vrai homme bien grand, bien sûr, tout ça. Parce que bon les nains elle a eu sa dose quoi. Bon, vous êtes où là? Bah là on est chez moi. Ouais, c'est toi, c'est où? Bah je suis à Toulouse. À Toulouse, ok, mais vous savez quoi, je vais débarquer. Ah non, non, là, moi je vais pas faire un plan à trois. Je vais tout casser là. Mais tu vas casser quoi? C'est quoi, je vais te prendre, toi et la petite Marie là, je vais vous prendre, je vais vous séquestrer dans une cave. Et là, vous aurez le temps de baiser là. Vous allez en trouver par contre, je vous le dis. Ouais, mais attends, c'est con ce que tu dis là. Ben non. Bah si. Bon, écoute. Bon. Je vais tout casser là. Non, mais non, mais t'énerve pas. Mais tu sais même pas où j'habite. Bah si, t'inquiète. Mais non, tu sais pas où j'habite. Ciao. Mais non, bah justement. Je vais tout casser chez moi, je vais me défouler sur vous. Ah, tu vas casser tout chez toi, bah ça va bien avancer, tiens. Bande de chiens, va que vous êtes. Oh, tout de suite les grands mots. Bon, écoute, je te le repasse. Bande de gros chiens, vous allez me. Marie, tiens, je l'ai eu, on a discuté. Allô. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci, il est d'accord que pour un soir. Et après, il veut plus entendre parler de moi, mais il est d'accord, quoi. Donc, il est pas bien, lui. Ouais, donc il est d'accord, il m'a dit ok. Voilà. Après, je te ramène. Et puis voilà, donc je te le repasse, hein, mais il est d'accord. Mais c'est cool. C'est quoi, en tout cas, gros il est bâtard, bien gentil. C'est un gros bâtard celui-là. Qu'est-ce qu'il dit que je suis d'accord? Mais c'est qu'un soir, c'est rien. Un soir, mais tu fous ma gueule ou quoi? Il a dit qu'il était d'accord. Oh là là, oh là là, c'est pas possible. C'est rien, t'inquiète pas. Une parole, c'est comme une signature, c'est pareil. T'as mouillé là, c'est bon. C'est portes ouvertes, c'est ça? Quoi, qu'est-ce qu'il a gueulé derrière? Il a dit qu'il était d'accord. Il a dit que t'étais d'accord, donc c'est bon. Attends, je suis pas d'accord. Je mets une musique. Tiens, hop là, tu peux te faire un petit show là. Bon, je vais arriver là. Mais il va arriver où? Ça me rend fou là. Attends, je vais arriver. Mais non, mais juste dis-moi que t'es d'accord, c'est bon, c'est rien. Bon, écoute, Marie. Profitez-en bien, vous allez voir. Marie, attends deux secondes. Va un peu dans ma chambre, regarde s'il y a des CD là-bas là. Des CD, choisis ce que tu veux, hein. Moi après je m'en fous. Va voir, ouais. Bande de pute, je vais vous baiser, moi, vous allez voir comment ça va. Dis-moi. Allô? Baptiste? Oui. Dis-moi, comme le feeling passe bien, je voulais te demander un truc vite fait pendant qu'elle est partie à l'autre bout de l'appartement là. Oui, est-ce que... sûr, oui. Non mais est-ce que sexuellement il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas? Comme j'ai droit qu'à une seule fois, je voudrais pas rater mon coup. Ma gueule. Moi tu vas voir, je vais te montrer comment faire, et puis tu vas vite te dégager. Bah, enfin, mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves, moi je te demande c'est pour la rendre heureuse. Ça veut dire quoi ça? Tranquille, ça y est, un petit regard. Un petit coup, merci, au revoir, en plus il me demande, tu sais. Parce que moi j'aimerais bien en fait, bon si tu veux, moi j'en ai, parce que je suis supporter, mais enfin moi ce qui m'excite surtout avec ces mensurations là, c'est qu'elle porte le maillot du Real. Ben non, moi je suis pour le Barça, c'est mort déjà ça c'est mort. Ah non, tu veux pas être supporter de cette équipe de merde. Allez, c'est bon, allez. Avec le nain et le somalien là, c'est pas possible. Non. Parce que là, ça va chier là. De toute façon, je m'en fous, je vais lui donner le maillot de Cristiano Ronaldo là, elle va être elle va être magnifique, elle va être là, elle va être comme un ange. Toi aussi tu vas être magnifique avec ta gueule en ceinture. Bah attends, et de toute façon, qui c'est qui a gagné la Ligue des Champions? C'est pas le Barça que je sache. Loin de là même. Aha. Oh là là. Aha. Hein bon, allez, c'est bon. Non mais c'est vrai, hein. Appelons un chat un chat. Cela dit, tu m'as pas répondu. Non mais tu m'as pas répondu là, qu'est-ce qu'elle aime bien sexuellement ou qu'est-ce qu'elle aime pas? Ta mère, elle aime bien ta mère, t'as, tu vois. Elle aime bien ta race. Bah, je vois pas le rapport, elle la connaît même pas. Mais comme je te dis, moi c'est pas du long terme, moi c'est juste un one shot. Tout ira bien, tu vois. Non mais moi c'est un one shot, je veux pas. C'est tout quoi. Dis donc, pendant qu'on était en train de boire un verre, elle m'a dit aussi que t'avais un œil qui disait merde à l'autre, c'est vrai ça? Non. Tu as dit qu'il y en avait un qui était plus. Bah moi par contre je vais te dire bien une grosse merde, tu vas voir. Toi tu dois être bien une grosse merde. Écoute, écoute. T'as l'air de t'énerver pour rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner mon adresse, tu vas venir, on boit un verre. Je vais faire un plaisir de venir. Bah, alors on boit un verre et puis, on et puis voilà, on est tranquille. Bon, est-ce que t'as de quoi noter? Oui, oui, je dois compter, oui. Bon, alors, je t'appelle parce que l'orthographe est un peu compliqué. Appelle-moi, hein. Donc, R. R, oui, R. U. Rue, mais rue, les trucs battent. Rue qui me dit. Rue, je sais comment ça s'écrit, rue. C'est jamais. On sait jamais. Oh là, bon. Il fout de ma gueule en plus. Mais pas du tout. T'as des humours, toi. Mais moi, c'est pour rendre service. Ah, c'est pour rendre service, ouais. Ben, pour rendre service, ça va venir chez moi. Moi, je vais lui en mettre une grosse défoncée. Et puis voilà. Oh là là là là, elle vient d'arriver. Hey, Baptiste, tu m'avais pas dit qu'elle avait ce petit grain de beauté entre les deux seins. Oh là là là là là là là là. Bah c'est dommage, y'a pas de musique. Attends, j'improvise un truc. Je mets une musique. Moi je vais arriver là, je vais. Non mais non, mais non, mais viens pas tout de suite. Alors, parce que je t'ai même pas donné l'adresse. Je vais vous laisser faire tranquillou. Mais après, ce sera la dernière fois que vous pouvez baiser. Parce que toi, je vais te couper les couilles, tu vas te les bouffer. Et non, puis là, non. Mais non, je suis sûr que tu penses pas ce que tu dis. Bon, Baptiste. Oui. Bon, écoute, t'as été quand même un peu violent, hein. Un peu vulgaire, un peu agressif. C'est dur, c'est normal. Bah oui, c'est normal, mais bon, j'aimerais bien que tu t'excuses et après je t'annonce une bonne nouvelle. M'excuser de quoi ? En plus, faut que je m'excuse un peu. Oui, bon, on fait un deal. Tu t'excuses, je t'annonce une bonne nouvelle et en plus, je ne fais rien avec ta copine, avec Marie. Non, mais moi je m'excuse pas, sinon. Ah, alors je la baisse. Moi, puis, vous me rendez fou là, je suis partout, mais j'ai tout cassé. Attends, il faut choisir. Je palpite à 5000 à l'heure. Bon, alors tu t'excuses ou pas ? Non, je m'excuse pas. Bon, alors je la baise. Mais ça. Par contre, ce sera la dernière fois que tu vas baiser ton mon gars. Ouais, mais bon, alors, bah excuse-toi, comme ça je fais rien. Je vais la faire bouffer. Non, mais excuse-toi, comme ça je fais rien et en plus, j'annonce une bonne nouvelle. Allez, dis, bon, bah voilà, je m'excuse et hop, j'annonce la bonne nouvelle et je fais rien. Je m'excuse. Oh, quel bouffon! Oh là là! Bon, Baptiste, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Oh les bâtards! Ah là là. Bon, ça va, tu. Bon, ben non, tu peux vraiment t'excuser là pour tout ce que tu m'as dit là. Ouais, c'est bon, je m'excuse, c'est bon. Aussi, je vous excuse. Déjà, la radio, c'est vous que j'écoute. Je me suis fait bien baiser là. C'est ce qu'on appelle. Alors que nous, on aurait bien. Enfin bon, bref, une histoire. Ah ouais, putain! On voulait savoir si c'était possible que tu nous fasses un cercueil. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est pour mettre dans le bureau. Ah mais tu me dis tes coordonnées, je te le ferai. Ah bah écoute, avec plaisir. Ah bah on passe à quoi le 10 octobre alors. Oh, c'est la glauquerie du truc. Ah putain, on va mettre le cercueil dans le bureau, c'est génial. Toi qui aimes bien faire des petites siestes dans le bureau. Mais je le veux bien capitonner, hein. Ah ouais, il faut qu'on n'entende pas le son autour, tu vois, qu'on se mette bien. Est-ce qu'on peut avoir une espèce la clim de... Ouais, la clim, une télé dedans. La clim et tout, ouais. Ah, génial. Les petites mousses et tout. Voilà, exactement. Et ben c'est parfait. Bon, bah Marie et Baptiste, vous faites la Nintendo 3DS XL comme promis. Vous allez retourner au standard, on prend vos coordonnées. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Et Marie. Bisous. Rendez-vous le 17 octobre avec un clin d'œil que tu ne peux pas voir, bien entendu. Hein, mais bon. Voilà. Et Baptiste, j'ai eu ton patron le 17 octobre. Apparemment, t'es de corvée. Tu dois faire un cercueil. Il n'y aura pas d'urgence. Tu ne pourras pas être là, malheureusement. Tu ne pourras pas, c'est dommage. Bon, salut à vous deux en tout cas, gros bisous. Bisous. Bon, et si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu, bah n'hésitez pas, hein, y a pas de problème, il y a de la place. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Nicolas qui dit mort de rire, je vais te couper les couilles, mort de rire trop fort. Mister Steven qui dit bravo pour le chéri, je peux te faire cocu, c'était bien marrant. Mussolini qui dit hello tout le monde, je tweet très peu ces derniers soirs, mais je suis toujours là. Nous voilà rassurés, Mussolini. À un moment, j'ai cru que t'étais mort. Oui, bah non. Oui. Bah oui. Bizarre. Yanezio aussi, lol, le débat de foot, excellent Marie et Baptiste, là c'était Sandrine, j'adore quand Mickaël crie hey, bah oui, mais c'est le conseil. C'est pas Mickaël, c'est Michel, hein, que ce soit clair, hein, Sandra. Devers45 qui dit mort de rire, c'est un ouf, je vais tout casser chez moi, mais c'est pas en faisant ça que ça va s'arranger, oui, bah ça c'est sûr, effectivement. Let's be freaks, bah voilà. Ah bah, oh, il dit hello les amours, bah c'était du bien, let's be freaks. Est-ce que t'as trouvé bite à ta chatte? Ouais. C'est à la place de chaussures à ton pied. Bah oui, Virginie qui dit génial le canular, la fraise 34 est trop bon le Michel. Et alors Nono qui dit c'est vrai, une stripteaseuse avec un croque-mort. Là on est bien, là tu vois, là on est bien. Là on est pas mal. C'est le début là, de la fille française, ça. C'est vrai, on est pas mal du tout. Bon allez, venez discuter avec nous si vous voulez, on est là jusqu'à 2h du mat, on est au cœur de la nuit sans pub, on est en mode à la cool. Avec dans un instant Alexandre qui est de retour, on va prendre Thibaut également pour la colle. Et puis on va se mettre comme promis le son de Pitbull et Jennifer Lopez. Maintenant sur Fun Radio, c'est We Are One. Pitbull sur Fun Radio et Chino. C'était We Are One, bienvenue. 23h, 2h. Mickaël, nos limites, sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, minuit 14 sur Fun Radio. Et puis restez bien là aussi, je vous cale dans quelques instants le son de Iggy Azalea, pardon, avec Fancy. You already know I'm in. Encore un son que vous avez écouté sur Fun Radio là. Hop là, on va vous le mettre dans quelques minutes. Il y aura aussi Mister Probs avec Waves. On va chiller là pendant que Toff ira. Chier. Évidemment. Et puis il y a un petit message aussi de Enzo qui dit: Mickaël, vous êtes juste la meilleure radio que je connaisse. Et avec la meilleure équipe, quoi, de mieux que de vous écouter. Rien. Oh merci Enzo, c'est gentil. Est-ce que c'est possible de passer le son Turn Down for What de DJ Snake, s'il te plaît? On va prendre, on va noter ça et j'essaierai de le mettre avant 2h si tu veux. Et alors, je vous kiffe, mais merci. Let's Be Free, ce qu'il y a. Ben non, j'ai pas trouvé Beat à ma chatte, je suis toujours in love de mon amour Toff. Oh ah bah oui, mais Toff va se décider, il va descendre un de ses quatre dans le sud. Bah son oui. Petit cœur là. Eh oui, Mussolini qui dit: non, je suis pas mort, j'ai trouvé l'amour, c'est différent. Oh, so sweet. Quel bâtard, t'as vu? Voilà. Ah, il trouille une meuf qui arrive et paf, ça il lâche oublie tout. Les potes. On oublie les amis, c'est terminé. On oublie les potes, on est mis à l'arrache là. Des vieilles merdes. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va être fini? Il va revenir. Voilà. Ah mais je vous avais pas oublié, on va boire un verre. Bah non, non, non, bah non, tu nous as abandonnés comme des merdes. C'est vrai. Ça c'est, ça, les c'est mecs, des dictateurs les mecs, ça. Non, les mecs et les meufs. Alors oui, parce qu'il a beau s'appeler Mussolini là. Mais les mecs et les meufs, quand vous tombez sur une meuf ou un copain, bref, vous sortez avec un nouveau mec ou une nouvelle meuf, lâchez pas vos potes. Trouver un terrain d'entente, un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Bah parce oui. que le jour où ce sera fini avec votre copine, les potes ils vont dire: eh bah va te faire enculer, gros bâtard. Exact, ouais. Exactement. Donc voilà, faut faire attention. Léa qui dit: mort de rire, le chéri, je peux te faire cocu de tout à l'heure. Et Mystique aussi, franchement pas mal ce chéri, je peux te faire cocu. Hashtag Toff le soumis. Ah, je sais pas. Oui, j'aime me faire fouetter. Ah bon, apparemment. Et Cheyenne qui dit: on se souvient de moi, ça me fait plaisir. Bah de rien Cheyenne. Salut Mickaël, demain j'ai examen de brevet à l'oral. Je stresse mais je préfère vous écouter. Ça va aller, t'inquiète, oublie que t'as aucune chance. Mais oui. De toute façon. Sur un malentendu. Bah oui, moi je suis allergique aux nuits sans Mickaël, No Limites, et je suis allergique à Toff également. Bah merci à toi pour le message. Et continuez d'ailleurs avec le hashtag et Mickaël, on fera également le top tweetos tout à l'heure. Si jamais vous avez envie de repartir avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Il suffit simplement de balancer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, et puis bah si vous êtes numéro 1 tout à l'heure à 2h du mat, vous serez donc le regagnant de ce magnifique sextoy. On fait un petit point maintenant là pour voir un peu comment ça bien se passe. Bien sûr. Qui est actuellement là, minuit 16, le numéro 5? Alors Fred S34, numéro 4, Nezio, numéro 3, Virginie 66, numéro 2, Nono, numéro 1 et Simon Radio. Très bien, Sim Radio, donc à nouveau apparemment aussi. Mais écoute, oui. Bah, bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs, hein, qui débarquent, qui se sont enfin rendus compte qu'ils écoutaient des émissions merdiques avant et qui ont tourné le bouton de la radio. Par hasard, peut-être parce qu'un ami ou la famille a dit: écoute, je peux pas te laisser comme ça en train d'écouter une émission embrutissante, va écouter Fun le soir, tu vas voir, c'est mieux. Et ben ouais, bah il y en a qui sont peut-être venus comme ça, donc bienvenue. Et puis ceux qui sont là par hasard. Ouais. Voilà, qui par hasard ont. Qui erraient sur la bande FM. Bah voilà, qui se sont retrouvés sur des radios où il y avait de la pub, de la pub, de la pub, un peu de merde, de la pub. Et puis qui sont arrivés sur Fun, et là il n'y a pas de pub toute la nuit, on est en mode tranquille. Bah voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis bah merci à tous les fidèles d'écouter évidemment tous les soirs. Bon, si on faisait maintenant un petit tour du côté des teubés de la télé. Alors pour tous ceux qui font de la muscu et qui prennent des produits, attention aux effets secondaires. C'est avec une simple connexion à modem 256K et une carte de crédit bancaire que je me procure en toute facilité plusieurs boîtes de stéroïdes. Attention quand même à la contrefaçon chinoise et les effets indésirables en cas d'absorption répétée de testostérone, comme le rapetissement des testicules ou encore la gynécomastie, apparition indésirable de protubérance mammaire chez un sujet masculin fortement dopé. Ah c'est très bien, donc si vous prenez ça vous avez directement un petit 85C. Ah oh, c'est bon, ça fait envie. Bah c'est quand même vachement sympa. Bon, et puis dans Confessions intimes, ah mon émission préférée, l'amour et la classe sont bien entendu au rendez-vous. Allez t'es bonne bébé. Touche-moi pas. Putain tu vas me tout me saloper. Hey, tu sais pas toi combien ça coûte un survêtement comme ça putain. C'est le mec, c'est pas son costard, tu sais son costard Armani. Non, c'est le survêt. Oh t'as vu comment ça coûte le survêt, oh, t'es ouf toi, connasse moi. Et puis dans sans aucun doute, c'est l'amour entre voisins, bon comme d'habitude. Hein. Insulte maintenant, maintenant je ne me gêne t'as plus. T'as raison. Oui. Mais bien sûr. T'as que toujours je fait que ça depuis que là les histoires, excuse-moi. Je suis une putain, je suis une. Eh ben, tu vois, je t'ai jamais traité de putain, connasse. Bah oui. Je t'ai jamais traité de putain, connasse. Voilà. Au moins, bah, comme bon, ça, c'est fait. Bon. Tiens. Bon, allez, restez sur Fun Radio, les minuit 18. On va se refaire avant de donner la réponse dans un. Même pas un quart d'heure là. On va récupérer Thibaut. T'es toujours là, Thibaut Ledoux? Ouais. Tu t'es pas endormi? Non. C'est bien. Bon, alors, on y va. Thibaut, fais péter la colle une dernière fois avant de donner la réponse. Alors, mon premier est un animal. Mon deuxième était une couleur. Mon deuxième est une couleur, mon tout est un personnage de dessin animé, qui suis-je? Très bien, on sent qu'il a moins de patates que tout à l'heure. Hein. Ouais, bah, hein c'est un loup. Tout à l'heure à 23h c'était bah, il t'offre sur l'enculé, je m'en perds ta fait. Et là c'est. Non mais il y, y a des personnes qui dorment à côté en même temps. Ah, dont toi, non? En fait, il dort entre les deux, tu sais. Bon, alors, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Alors, il y a, Alex qui proposait un pivert. Non. Non, le lapin blanc. Non. Proposait Dingo. Non. Ou Yoshi. Non. Non, bon, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, et là c'est gratuit. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Et puis, bah, Thibaut, peut-être que tu seras le regagnant d'un iPod Nano. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, hein, via Facebook ou SMS, c'est lui qui repartira avec l'iPod Nano. À dans moins de 10 minutes, Arnaud. Arnaud, Thibaut, pardon. Ok. À tout à l'heure. À l'heure. Ça va, Thibaut? Oui, ça va. Ouais, non, mais c'est pour être sûr, hein. J'ai pas envie que tu nous claques entre les pattes, là. Non, j'ai juste, il y a des personnes qui dorment à côté, donc je fais beaucoup de bruit. D'accord, ok. Ça roule, à tout à l'heure Thibaut. Au revoir. Allez, bouge pas de là. Bon, ah bah, restez bien là sur Fun Radio, on est toujours au taquet. Il y a les appels malveillants qui vont débarquer dans quelques minutes. Ah oui, les appels malveillants. Mais nous avons d'abord Alexandre qui est avec nous. Alexandre qui qu'on a eu tout à l'heure, là, juste avant la pub, qui nous disait qu'il avait pété le pare-brise de la voiture de fonction qu'il avait eu de son patron, normal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, disons que j'étais en train de suivre un camion et tu puis, le coursais ou t'étais derrière? Non, j'étais juste derrière, et du coup, bah, je sais pas, il y a un caillou qui est arrivé, et ping, sur le pare-brise, et le pare-brise, il est en morceaux. Mais c'est pas grave, il est assuré quand même, là, contre ça, là. Il a bien une petite assurance avec Carglass, répare, remplace, et tout le bordel, non? Bah, j'espère, en fait, parce que je sais pas comment ça va se passer. Bon, alors, attends. Alors, déjà, est-ce que l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros? De 2 euros. Il était plus petit qu'un impact de 2 euros, mais du coup, en fait, vu que je roulais, bah, ça a fêlé sur la moitié du pare-brise. En fait, toute la moitié du pare-brise, du coup, elle est fêlée. Ah oui, tout est fêlé alors. Ouais, il faut tout changer, quoi. Ouais, tout est nickel. Là, il est mort. Là, là je sais pas comment il est, dans quel état il est. Ouais, mais pourquoi tu t'es pas arrêté directement là pour essayer de réparer? Ou bah, c'est du scotch. Non, bah, mais du scotch, je sais pas moi, tu vois. Du scotch sur un pare-brise. Bah, je sais pas pour éviter. Non, mais t'en mettais, t'en injectais un peu dedans, et puis voilà. T'injectes. Ah, mais injecté avec quoi? Avec de la saline? Avec ta bite. Bah, je sais pas moi. Oui, tu te branles et t'éjacules dans le pare-brise. Bah, c'est ça, tu vois, c'est la solution, on fait repas. Carglass répare, Carglass remplace. Ah, j'en étais sûr, c'est là. Bah, écoute, tu nous demandes, ou après on est là, y'a pas de problème. Si on peut aider, tu vois. Bah oui. Oui, bah je vois ça, oui. Bah voilà, non mais c'est ça en plus, hein. Écoute. On va essayer de trouver une solution après. En même temps, pour ton pare-brise, à part Carglass, sincèrement, je sais pas qui répare. Hein. Bah il y a France pare-brise, et sinon, il doit y avoir encore un mondial pare-brise. Ouais, non, enfin, c'est surtout comment je vais l'annoncer à mon patron demain, quoi. Alors, c'est pas des vannes, ils existent vraiment. Ah, pardon, alors. Oui, c'est... Non, mais bien sûr, ça existe vraiment, mais. Ouais, la pub de Mondial pare-brise, c'est Mondial pare-brise. Mondial pare-brise. Ouais, c'est avec une meuf qui parle comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, avec une solution, pareil, on manque vraiment de visibilité. Ouais. C'est pour ça que si vous avez un bris de glace sur votre pare-brise, faut venir chez Carglass. T'as vu, il le dit là. Ou remplacement de pare-brise, vos essuie-glaces à Montbosch, ils sont encore gratuits. Et en plus, t'as les essuie-glaces gratos. Alors. Ah bah oui, bah t'as va être gens, content, ton patron. Bon, le problème, c'est que c'était la promo du 30 novembre. Donc, bref, je sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait une solution quand même. Regarde, Mondial pare-brise, elles sont. Carglass remplace. Attends. En ce moment, chez Carglass, et jusqu'au 14 juin, vos balais d'essuie-glaces à Montbosch sont gratuits. Encore. Son impact, remplacement de pare-brise, lunettes arrière et glace latérale, ils sont gratuits. Bah alors il faut que tu pètes la vitre arrière, comme ça t'as les deux essuie-glaces gratos. Ah en plus, ah bah oui, mais comme ça t'as les essuie-glaces de devant et ceux de derrière. Ah, j'avais pas assez d'un seul pare-brise. Bah ouais, comme ça t'en auras deux, mec. Bah comme ça t'auras deux nouveaux pare-brise. Attends, c'est quoi tu m'as dit Mondial pare-brise. Pourquoi t'as dit pare-brise à l'heure? Parce que c'est la pub, tu vas voir. Ah d'accord, ok. Attends, je sais pas si on l'a. Ah si on l'a. Alors attends, c'est la pub ça? Attends, bouge pas. Mondial pare-brise. Comme ça on a fait les deux. Mondial pare-brise, il remplace tous les vitrages. C'est Mondial pare-brise. Mondial pare-brise, Denise. Mondial pare-brise. Ah mais ils donnent pas d'infos là. Ah non, on sait pas tu ce qu'il y a chez eux. On sait pas, on dit par braille, c'est tout. Bon, on a fait les deux comme ça. J'avais dit la nuit sans pub, désolé. Hein. Mais voilà. Bon, par contre, j'espère avoir un petit pare-brise gratuit la prochaine fois. Oui. Quand j'ai un accident ou quand Toff pète le pare-brise de l'autolib, tu sais, qu'il puisse aller gratos quoi. C'est ça, que je puisse tout de suite m'arrêter, hop, un nouveau pare-brise. Exactement. Bon, si. Bah, en même temps, des conseils, il n'y en a pas 150 000, hein, si tu veux, à part aller le faire remplacer. En même temps, il est assuré, je pense que c'est pas très grave. Tu vois, c'est pas comme si t'avais embouti la voiture ou que le camion avait freiné sec, t'étais passé en dessous, la voiture était complètement niquée. C'est jamais que le pare-brise. Ouais, remarque, enfin, c'est surtout que ça fait qu'un mois que je suis chez eux, donc ça fait un peu moyen. Mais bon, écoute, sincèrement, moi, je serais le patron. Le mec me dit, bon, bah voilà, j'ai pris un caillou, le pare-brise est pété. C'est pas très grave parce que lui ça va même pas lui coûter un bal normalement hein, donc ouais, c'est toi qui vas te galérer à aller en revanche chez... ouais à la limite c'est toi qui vas devoir galérer à aller aller chez Carglass ou je sais pas qui là pour remplacer le pare-brise mais en revanche après un mois le mec me dit bon bah voilà je fais un carton en tort la voiture elle est pour la poubelle voilà je peux mal le vivre ouais, si je suis le boss ouais donc non ça va t'inquiète pas mais tu vas lui dire quand bah demain du coup ouais bah demain tu veux pas ouais. qu'on l'appelle en direct là ah, bah, oui, on j'ai pas ton numéro j'ai pas ton numéro bon sinon on peut t'appeler demain soir pour prendre des nouvelles pour voir si t'es encore viré enfin si t'as été viré ou pas merci c'est ça mon courage ah écoute avec plaisir nous si on peut rendre service c'est toujours avec plaisir bah oui ouais bon. Bah y a pas de soucis bon bah on te rappelle demain soir alors on fait comme ça pas de soucis ça marche bon bah ça roule impeccable allez courage à toi Alexandre ça va bien se passer bah, t'inquiète tu sais quand tu l'appelles merci. Pas peur hein, la voix sûre de toi et tout ouais et sinon ouais, patron j'ai pété le pare-brise ouais, et alors voilà. Connard et alors qu'est-ce qu'il y a et sinon tu fais quoi dans la vie bah, je suis vendeur automobile. Bon, bah, si vous êtes vendeur automobile, vous avez besoin de quelqu'un là dans en Eure-et-Loire, là, Alexandre sera peut-être disponible demain. Merci bien, c'est gentil. Avec plaisir. Ouais. T'as vu, on prévoit déjà le bordel là, tu vois. C'est gentil, merci pour le coup de pub. Bon, écoute, avec plaisir. Nous, tu sais bien, si on peut rendre service. C'est ça. Ouais. C'est toujours avec plaisir. T'as vendu combien de voitures le mois dernier? Ouais. Zéro. Ah ouais. Bah là c'est par contre ça va être plus dur. Et bah voilà. Là bon. Ça fait qu'un mois. Et bah écoute, si jamais quelqu'un de Carglass nous écoute, s'il peut remplacer la vitre gratuite, je rends service. Merde. Ah bah tu m'appelles au contraire. Carglass remplace. Voilà. Oh. Putain. C'est passé, okay. Nickel, c'est passé crème. Bon, et bah salut Alex, à demain. Merci à vous. Allez, on te rappelle demain, salut à toi, ciao. Ciao. On aura la réponse à la colle de Thibaut dans quelques minutes. Et puis nous aurons une surprise. Ah. Dans quelques instants. En plus des appels malveillants, bien entendu, nous aurons une surprise, quelqu'un qui arrive une fois par semaine. Ah. Je dis ça, je ne dis rien. On en parlera après. Iggy Azalea, maintenant, c'est Fancy sur Fun. Bonne nuit tout le monde. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. Iggy Azalea sur Fun, au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en direct à minuit 29. Il y a Arnaud qui dit vous êtes cool les gars, vous l'idez vachement. Bah merci Arnaud. Nadia aussi qui est arrivée. Carglass réplare, Carglass remplace. J'adore. Bonsoir tout le monde. Désolé de mon gros retard. Je peux me faire pardonner. Ouais Nadia, après il y a plein de solutions qui existent. Hein. Bah moi j'ai bien une idée. Mais... Bah ouais, c'est ça. Ouais. Y a un message également qui est arrivé par mail sur mon mail. C'est Laurent qui dit les essuie-glaces sont gratuits, je suis en train de les livrer à Carglass. Ah bah nous voilà rassurés, donc comme quoi ils mentent pas. Hein. Et Megumi qui dit bonsoir mes cochons, que j'aime surtout toi Mickaël, moi je ne t'oublierai jamais pour un mec. Oh c'est gentil Megumi, avec le hashtag je veux mon Britney. Oui il va arriver un de ces quatre ton Britney. Un de ces quatre comme ça tu vas pas t'y attendre et paf bim Britney. Voilà tu l'auras là. Et c'est Didi qui dit Mickaël tu aurais un petit bip bip pour ma promotion au travail. Je passe cadre en 35 heures. Félicitations à moi. Bah bravo c'est Didi oui. Là. Voilà. Eh ben bravo à toi, 35 heures, les RTT, tout ça, la folie. Oh là là, ça va être bien. Ah, ça va être bien, c'est Didi. Arthur qui dit salut tout le monde, je pourrais avoir un message de bienvenue, bien sûr. De trou du cul. Ouais. Bah voilà. Et puis Célia aussi, moi j'ai ramené 7 potes, mais moi je pourrais pas beaucoup tweeter. Écoute Célia, c'est pas très grave, le principal c'est qu'ils écoutent la radio et toi aussi d'ailleurs. Et Mystique qui dit petit sextoy offert par passagedudésir.fr reçu ce matin, merci la team. Eh ben de rien Mystique, j'espère que tu as pu le tester. Et dites-nous d'ailleurs hein, quand vous le testez là, si vous trouvez ça bien, pas bien, donnez des infos. Hein. On veut savoir nous. Et Mamie Nova, bonsoir tout le monde, le lundi c'est déprimant, heureusement que vous êtes là pour remettre de bonne humeur. Bah merci Mamie Nova, merci pour le message. Bon, allez hop, 23h30, c'est l'heure de donner la réponse à la colle de Thibaut. T'es toujours là Thibaut? Ouais. Très bien. Allez, c'est parti. On y va, on appelle maintenant un gagnant, une gagnante éventuelle. Si il ou elle décroche et donne la bonne réponse, il ou elle gagne l'iPod Nano. Si il ne donne pas la bonne réponse ou qu'il ne décroche pas, tu repars Thibaut avec l'iPod Nano. Et hier, c'est le poseur de colle qui a gagné, hein, pour info. Si, j'ai écouté. Eh, t'as vu. Ah, ça s'annonce bien pour toi, là, pour l'instant, Thibaut. Très, très bien, Thibaut, là, pour l'instant. Trop, trop bien. Salut, c'est Thomas, tu viens de pas sur mon... Ah, non, on m'a laissé un message. Et bon, bah, je te rappellerai dès que j'aurai pris connaissance de ton message. Bye. Ça ramène un doux professionnel. Okay. Salut Thomas, c'est Thomas hein, je crois, c'est ça hein. Ouais, Thomas. Salut Thomas Ledoux, bon bah c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio et il y a Thibaut qui est là, un autre doux, qui a une colle à te poser. Vas-y Thibaut, répète la colle. Alors, mon premier est un animal, mon deuxième est une couleur. Mon tout est un personnage de dessin animé. Qui suis-je? Alors, est-ce que tu as la réponse? Bon voilà, est-ce que le répondeur a la réponse? Ah ben non, apparemment. Et ça raconte. Comment il se la pète l'autre là. Ah, il se la ramène le petit doux là. Enfin, le deuxième, enfin le premier en l'occurrence, Thibaut. Bon, bah Thomas, malheureusement, c'est perdu. Bravo, oh, Thibaut. Eh oui, wouhou. Eh ben voilà, c'est bon ça du coup. Bah désolé Thomas, non c'est Thomas, hein, c'est ça. Ouais, c'est Thomas, ouais. Désolé Thomas, là, il fallait décrocher ton téléphone. Merde, ah, tu viens rater loose, le l'iPod Nano de 180 euros là qui te file sous le nez là, malheureusement. Hop là. Bon, l'avantage c'est qu'il arrive chez Thibaut. Hein. Merci. Voyons le côté positif. Bon Thibaut, du coup t'as mérité d'être doux officiel. Ouais, mais c'était quoi la réponse? Ah oui merde, c'était quoi la réponse? C'est la panthère rose. La panthère rose. Ah bah oui forcément. Couleur personnelle. Ah bah oui effectivement. Eh bah bien vu. Eh bah voilà. Bah écoute Thomas, tu retentes ta chance quand tu veux. À bientôt Thomas. Et puis bah Thibaut là, bah je te repasse Polo hein, pour être doux officiel. Bonjour. Allez. Grand-père. C'est Hugo. Hein? Il s'appelle Thibaut. Il s'appelle Thibaut. Thibaut, tu veux devenir doux officiel? Oui. Bon mets-toi à genoux Thibaut. C'est bon. Bon, insulte-toi. Je suis un sale teuf de merde, je suis un connard, je suis un enculé, je suis un PD. Bon, ça, ouais, t'aurais pu éviter le dernier. Bah, prends ton téléphone dans la main droite. Ouais, c'est bon. Tape-toi sur la tête. Non, c'est pas ta tête, ça. Si. Non. Ça sonne creux, bah, il va falloir creuse, être hein. Un peu plus intelligent, mec. On hein. Dirait un ballon. Vas-y, tape sur ta tête, vraiment. Mais non, c'est pas ta tête. Mais c'est ma tête. Refais-le. Refais-le et parle-nous en même temps. Ouais. Allô? Non, c'est non, pas vrai, c'est pas ta tête. Mytho, va. Quel mytho, oh là là. Bouh. Retape-toi sur la tête. Allez, bon. Retape-toi vraiment sur la tête ou tu seras banni des doux officiels. Mais c'est ma tête. Bon, regarde le cadeau. Allez, hop. Allez, refais-le en... Ah, tu vois, ça sonne pas pareil. Hein. Voilà, ça sonnait un peu différemment, là. Bon. Allô? Bon, Thibaut, tu es officiellement doux, bravo. Ouais, ouais. Et on va te baptiser Thibaut le mytho. Ouais. Mais c'est vraiment ma tête, je voulais que je vous dise. Ouais. Tu filmeras ta tête et tu nous l'enverras. Voilà, c'est ça, ouais. Tu devras te filmer et tu nous enverras ça. Ouais. Bon, attention, okay. Attention Thibaut, le fait de devenir doux officiel veut dire que tu as sur tes épaules le poids énorme de faire la promo de l'émission et de prévenir tous les auditeurs ignorants qui ne sont pas encore au courant qu'il y a quelque chose à écouter le soir sur Fun Radio de 23 à 2h la semaine et le dimanche de 20h à minuit. Il faut que tu les préviennes et que tu arrives à les convaincre. Ça devrait pas être très compliqué, cela dit au passage, qu'ils débarquent et qu'ils nous écoutent tous les soirs. Thibaut, je compte sur toi. Sans vous déchirer. Hein. Bah, je te remercie. Bah, sauf-toi. Ouais, mais... Parce que c'est un connard. Voilà, c'est ça, bah, bien sûr, évidemment. Nature, c'est normal. Bah voilà, ouais, c'est ça, exactement. Mais il n'y peut rien. Bon, salut Thibaut. Ouais, merci beaucoup. Allez, ciao à toi Thibaut et bravo pour l'iPod Nano. Hein. Oh, merci. Allez, à bientôt. Hey, si jamais je le retrouve sur eBay, je te pète la gueule, Thibaut, t'as compris? Non, je vais le garder quand bon, même. Bon, ça va alors. Salut Thibaut, ciao à toi. Salut, bye. Allez, à bientôt. Bon, on se fait les appels malveillants. Ah oui, allons-y. Allez, appel malveillant, on est tombé sur une information très importante. Une étude très importante des États-Unis d'Amérique. Oui. Of United States of America. Qui dit que donc regarder trop de porno, ça durcit le lobe droit du cerveau. Exactement, oui. Et ça, c'est dangereux. Donc, on appelle des gens grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et bonne nouvelle, nous appelons à Charleroi. Ah, ah oui, un auditeur nous a envoyé un mail en disant celui-là, ça va être lourd. Bon, bah, très bien. Bon, on va appeler, on verra bien. Hein. C'est parti, on y va, il est minuit 35. Bienvenue sur Fun, on est au cœur de la nuit sans pub. On est en mode pépère. Et en mode chill, jusqu'à 2h, comme d'hab. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous regardiez beaucoup de porno, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Tof, monsieur. Et vous me demandez quoi? Si vous regardez beaucoup de films porno, monsieur. Qu'est-ce que ça peut être faute? Bah, c'est pour savoir, monsieur. Bon, allez, là, autre chose, maintenant. Bah, non, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites ça? Bon, allez, va te faire enculer si tu regardes le film porno. Enfin, monsieur, ça se dit pas. Allô. Bah oui, non, mais il est parti là. Attends, on va le rappeler. Très gentil, hein. Adorable. Effectivement. On rappelle à Charleroi, deuxième appel. Oui. Oui, je m'excuse, monsieur, mais faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle gentiment pour vous prévenir. Prévenir de quoi? Bah, que c'est dangereux pour la santé. Enfin, c'est dangereux pour votre cerveau, monsieur, de regarder trop de films porno. Bah, va te faire foutre, hein, s'il vous plaît. Mais pas du tout, monsieur, c'est très sérieux. Allô? Va te faire foutre, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, on le rappelle. Allez, hop, c'est reparti. Attends, on va pas se laisser parler comme ça, faut pas déconner. Allô? Oui, monsieur, c'est pas très gentil tout ce que vous me dites. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, espèce de PD. Tu regardes des films porno, fais gaffe à ton cerveau, parce que ça sera pas bon pour le tien, surtout, ça va? Mais... Donc maintenant, t'arrêtes de téléphoner à mon père, parce que sinon, regarde bien, ton numéro, je vais le tracer, parce que je suis policier, connard. Mais enfin, monsieur... Ça va? Donc dans une heure, c'est chez toi, y a pas de souci. Attends-toi, monsieur. Ça m'étonnerait, monsieur, que vous arriviez chez moi dans une heure. Elle a raccroché. Ah bah c'est oui. Marrant le nombre de flics qui sont sur le marché aujourd'hui. Ah ça c'est dingue. Il y a plein. Hop, ah des gendarmes. Ah bah oui. Alors on va le rappeler. En même temps, Charles Roche qui a la radio, il y a peu de temps quand même. Bonjour. Mais. Ah bah dis donc que pour quelqu'un qui est flic, il a quand même vite peur. Ah bah oui. Ouais. Moi je m'attendais à ce que les flics soient quand même des gens. Courageux, qui vont au bout des choses, qui enquêtent, etc. quoi. Moi, je voyais déjà la sirène devant la radio. Bah exactement. On s'attendait à quelque chose d'énorme. La police qui arrive. Et puis voilà. Hein? Ils arrivent devant la radio là, prêts pour choper Toff. Bien entendu, on balancera Toff. Bah évidemment. Car c'est un salopard. Bien sûr, évidemment. Bon, il y a Maxime qui dit, ça a quoi de dangereux, par exemple, utiliser trop Tinder, ça fait pareil. J'ai rien compris, Maxime. Bah le pour le porno. Mais non, ça a rien à voir Tinder. Non. Oui, bah apparemment ça durcit le lobe droit du cerveau. Ouais. Plus tu regardes de porno, plus c'est dur. Il paraît. Ouais. Et Ria qui dit, mon équipe préférée, 1h30 de retard, j'ai eu pas mal de trucs à faire, détériorer la gueule à coups de pelle, je l'ai mérité. Je me fais pardonner, désolé. Bon bah d'accord Aria, tiens hop, je t'en mets une. Et ça c'est pour Toff. Et alors Let's Be Freaks qui dit, je les ai testés les sextoys passage du désir.fr et je m'amuse bien avec. Mais faut bien que je passe ce... Attends c'est quoi? Faut bien que je me fasse du bien en attendant Toff. Bon il va arriver. Oui. J'arrive, le problème c'est que je viens à pied. Oui exactement ouais. Et Maxime, je viens de me farcir une semaine de 65 heures. Et comme tous les lundis sur le chemin vers mon week-end, vous me faites bien marrer, merci. Bah de rien Maxime, et surtout merci à toi d'être à l'écoute de Fun, c'est important. C'est quand même bizarre un mec qui parle en week-end le lundi. Ouais et surtout qui se fait 65 heures. Pendant que les autres sont là 35 heures. Bah je vais prendre mon RTT parce que c'est-à-dire qu'il va falloir que je me repose un petit peu quand même. Bon minuit 38, dans un instant la surprise, je vous l'avais promis, celui qui passe une fois par semaine à la radio sera là en direct avec nous et avec vous aussi. Restez bien là, je ne vous donne qu'un indice. Voilà. Il est là. C'était un petit indice comme ça planqué. Donc restez bien à l'écoute de Fun. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le Twitter de l'émission. N'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux, on est plus de 40 000. Vous tapez MIKL officiel, vous me faites un petit follow et je vous followerai également à mon tour. Et pareil sur YouTube, hein, rejoignez la chaîne YouTube, vous vous abonnez à ma chaîne et je m'abonnerai également à la vôtre. Vous tapez là aussi MIKL officiel. Minuit 39 sur Fun. Bienvenue si vous arrivez pour la première fois. C'est MIKL No Limit. C'est comme ça que ça se passe tous les soirs. Plein de cadeaux. On déconne tous ensemble jusqu'à 2h du mat et le dimanche de 20h à minuit. Faites passer évidemment le message autour de vous. On écoute Mister Probs maintenant, c'est Waves sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Le son de Mister Probs avec Waves sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon on va barder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est toujours en direct sur Fun Radio et nous l'avions promis, je l'avais promis. On accueille Jean-François qui est avec nous. Salut Mickaël. Hey, comment ça va JF? Bien, impeccable. Bon. Je suis en chaleur en ce moment. Ah bon, mais comment ça? En chaleur. Comment ça se fait? Tu sais, il n'y a plus de faim depuis 6 mois. Oui. Et ça, c'est difficile en ce moment. Ah bah oui, bah j'imagine bien, ouais. Pas facile. J'imagine, hein. Michael. Ah bah il faut se branler tous les soirs, quoi. Il faut se branler et en pensant à une fille. Et en pensant à une fille, ouais. Et tu penses à qui quand tu te branles? Ouais, je pense aux filles. Oui, j'ai compris, mais laquelle? Oh, plusieurs, mais quelle? Ah, plusieurs, mais il y en a une en exemple ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y en a une en exemple? J'aime les blacks. D'accord, ok. Tu sais que Cristal est black, hein? Pardon? Cristal, elle est café au lait. Café au lait, ouais. Elle est métisse. Ah, elle me plaît le cristal. Ouais, bah elle va appeler, t'inquiète pas, on s'inquiète pas pour ça. Hein. Ah, elle me plaît le cristal. Ouais, mais elle va appeler, t'inquiète pas, dans 2 minutes elle est là, tu vas voir. Ça. Écoute, je vais bien, on a Alexandra qui est avec nous, Jean-François. Oui. Alexandra? Alex? Oui. Ça va, oui, Alexandra? Bonsoir. Et en plus, Alexandra, apparemment, attends, JF? Oui. Attends, bouge pas parce qu'on a un problème avec ton téléphone. Attends, bouge pas. Hop là, on va te rappeler Jean-François. Bouge pas, Jean-François. Oui. Attends, ah bah ça a l'air d'aller là. Bon, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche. Bon, Alexandra, bienvenue, hein. Oui, merci, Mickaël. Comment ça va? Merde. Attends, bouge pas. Oh là là, Jean-François avec ton téléphone, il t'en a rien dit. Bouge pas, Jean-François, on te rappelle. Voilà. Bon, ça va, Alexandra? Oui, je suis tellement heureuse de vous avoir. Ah, ben nous aussi. C'était oh, c'est mon gentil. Mon anniversaire hier, j'ai eu 38 ans. Non, bah attends, on va te mettre la musique. Voilà. Et bon anniversaire, Alexandra. Et 38 ans, ça n'arrive qu'une fois par an, hein. Hey, eh oui, une fois par vie même. Ma fin de l'anniversaire. Voilà. Ah, 77. Je te remercie. Eh bah, je t'en prie. C'est la musique que je voulais. Ça me fait plaisir. Eh bah écoute, je t'en prie. T'as fêté ça, Alexandra, là? On te remet un petit verre ou pas? T'as fêté ton anniversaire, là? Ah oui, t'as bu un petit verre, quelques bulles. Ouais. Mais je l'ai fêté aujourd'hui tranquille. Oui, bah attends, bah, t'as bien raison. Jean-François. Oui. Bon, c'est l'anniversaire d'Alexandra. Oui, qu'est-ce que je peux lui souhaiter, Alexandra? Bah, elle voudrait souffler ta bougie. De l'amour. T'écoutes rien de ce que je dis. Oui, plein d'amour. De l'amour. Plein d'amour. Plein d'amour pour Alexandra. Voilà, bah ça y est. Alexandra, tu me connais pas, mais c'est un beau gosse. Et ta bite, elle fait combien? C'est un beau gosse, c'est que tu sais. Attends. Jean-François. Oui. Reste calme, merde, putain, c'est pas possible. Bon, Jean-François, on va te rappeler sur une autre ligne, parce que là, celle-là, elle est merdique, là, c'est fini, là, si, c'est pourri. Parce que chaque fois, ça fait de l'écho, on se croit dans une boîte de nuit, là. Donc, Jean-François, on va te rappeler, hein, ne bouge pas. Bon, Alexandra, on va le rappeler, là, Jean-François, hein, on va prendre Cristal aussi dans quelques minutes, là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah oui, évidemment. Eh ben, t'inquiète pas, Cristal, on l'a souvent au téléphone, hein. Une fois par semaine, grosso modo, en gros, dès qu'elle entend Jean-François parler au téléphone, paf, ça y est, elle est là, hein. D'ailleurs, Cristal est là, comment ça va, Cristal? Oh, ben, ça va, Mickaël. Bon, bah, on est en train de rappeler Jean-François là. Ah bah j'espère, moi j'appelle que pour lui. Bah j'imagine. Ah il est là, Jean-François. Oui. Oh mon chéri. Bon, il y a Alexandra, il y a Cristal, les deux sont là. Oh mon dieu, elles sont belles. Bah tu sais pas, oui. C'est au téléphone. Oh mon dieu. Oh si, la plus belle c'est moi. Je voulais te poser une question après. Bon bah après alors. Allô? Oui, je suis là mon chéri. Tu sais que je me suis épilé. Je me suis épilé complètement la chatte pour toi ce week-end. Je me suis fait la boule à zéro. Belle femme, Cristal. Oh, oui. Ben, c'est marrant, moi aussi, Cristal. C'est la même chose que toi. Ah oui, mais la mienne est plus jolie. Parce que moi, j'ai le petit clito au milieu des deux lèvres. Mes deux petites lèvres. Elle fait 20 cm, encore, ça peut faire mal aux jeunes filles. Ah oui, mais c'est pas grave, moi ça va pas me faire mal, ça va me faire du plaisir. Bienvenue sur Bourg FM. Ça va bien, 20 cm de queue dans le chat. Ah oui, je veux que tu me la mettes au fond. J'ai envie de sentir ton gland au fond de moi. Comment? Elle est pas là encore, elle arrive. J'arrive. Elle se prépare, elle se fait belle pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Attends, j'appelle Fun. Elle met son plus beau string pour toi. J'en peux plus, moi. Oh, moi non plus, j'en peux plus. Fais-moi jouir. Crie ton nom, Jean-François. Allô? Vanessa est là. Oui, c'est Vanessa. Oui, Vanessa, comment vas-tu? Ben, ça va, et toi? Bien. J'ai entendu que t'étais en manque. Moi, je suis en manque. Oh là là là là là. Et nous aussi. Ah oui. Le sexe. Mais oui. Déjà tellement je suis en manque. Ah, je me masturbe. Ah déjà. Oh, mais crie ton nom, petite, Jean-François. Petite là, mais. Oh, une petite. Elle est demi-molle ou elle est déjà bien dure? Elle commence à le dorsir. Coupe ta radio, Jean-François, ça fait de l'écho. Mais crie ton nom, putain. Jean-François. Oui, plus fort. Voilà. Encore. Jean-François. Oh oui, encore. Ça m'excite. Oh, on est tout chaude là. J'ai le clito qui durcit. Vas-y, fais. Le clito qui durcit. Ah oui. Jean-François, moi c'est les tétons, mais. Vanessa. Est-ce que tu peux. Jean-François, mais c'est Vanessa. Jean-François. Voilà, Jean-François. Plus fort. Est-ce que tu peux crier ton nom, mais avec une voix. Une voix là de George Clooney. T'es pas venu me voir? Si, bien sûr, mais. Est-ce que tu peux crier ton nom là de George Clooney avec une voix. Une voix chaude et suave? Oui. Vas-y. Jean-François. Oh, oui. Oh là là, oh, je je fonds. Ah, mon Dieu. Oh, j'ai la chatte toute mouillée, plus fort. La chatte qui mouille. Non, oh, oui, oui, énormément, c'est les chutes du Niagara. Oh là là, je vais en mettre partout, il va falloir éponger. Mon Dieu. Coupe ta radio, Jean-François. Écris ton nom. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Encore. Jean-François. Oh, vas-y. Jean-François. Oh, oui. Jean-François. Vas-y encore. Jean-François. Plus fort. Défonce-moi la chatte. Mais je suis là en même temps. Je me masturbe là. Ah oui, c'est génial. Fais-nous écouter. Oui, fais-nous écouter. Écris ton nom en même temps. Allô. Oui. Allô, qu'est-ce que je jouis? Ah, déjà? Non, bah, j'ai pas joué encore. Ah bon, eh d'accord, bah, okay. Joué alors. Eh ben oui, mais alors continue. Eh, hey, branle-toi, écris ton nom en même temps. Et fais-nous entendre ta bite. C'est mon nom. Oui, mais mets ton téléphone tout près qu'on l'entende bien en bas. Attends, je mets en bas. Écris ton nom en même temps. Oui. Voilà. Oh, écris ton nom. T'as entendu? Oui, mais crie ton nom, tu n'écoutes rien. Crie ton nom en même temps et coupe ta radio. Oui, en même temps. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Et si, Christelle. Mais oui, mais moi je suis chaude, je mouille. Ah crie oui. Ton nom. Non, je suis chaud, je suis chaud. Crie ton nom alors, tu es chaud. J'en ai une chatte, j'en ai une mais chatte. Là, mais là, il y en a deux là, il y en a deux. Oh, elle est ouverte. Un clito. Oui. Chatte, claque-moi le clito, voilà, allez. Je me masturbe. Mais vas-y, continue, plus fort. Je me masturbe. Plus vite, vas-y. Plus vite. Non, Cristal. Oui. Oh, je tu suis... m'aimes, Cristal? Quoi? Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Et j'aime quand t'es au fond de moi avec ta grosse bite. Qu'elle me ramonne, qu'elle me défonce les entrailles. Tiens, Jean-François, je fais ça pour toi, pour t'exciter un peu. Mmh. Oh, tu m'excites. Oh. Oh. Mmh. Mmh. Mmh. Oh, c'est bon. Oh oui, Jean-François. Oh, allez, fais-nous écouter, on n'entend rien là. Fais-nous entendre ta bite. Oh, je vais jouer, je mais vais vas-y, jouer. Fais-nous vas-y. Écouter. Vas-y. Oh, il m'a excité. Il me refait avec sa radio allumée. Voilà, ta minute. Vas-y, vas-y. Continue. Vas-y, fais-nous entendre ta bite. Oh oui. Vas-y. Mais oui. Toi aussi, je vais tu nous excites. Allez, chiens, ma bite. On est comme des chiens enragés. On est des chiens, hein. Ah, oui. Moi, Cristal. On est des chiens. En plus, Cristal, elle te prendra sa bite dans sa grande bouche. Ah oui, je te ferai une gorge profonde. Et moi, les grandes chiennes. Oui, mais vas-y. T'as des collants noirs. Oui, non, j'ai des collants noirs et mon petit string. Oh, mon Dieu. Ah oui, c'est radio allumée qui me rend fou. Vas-y. Vas-y, branle-toi. Vas-y, continue plus fort. Vas-y, Jean-François, crie ton nom. Oui, je me masturbe. Mais oui, mais crie ton nom. Ne t'inquiète pas, Christelle, je me masturbe. Oui, mais crie ton nom. Oui, j'écris mon nom. Oui, oui, allez. Jean-François. Allez. Jean-François Martinez. Plus fort. Jean-François Martinez. On y est presque. Allez, vas-y. Vas-y. Oui, Christelle. On y est presque. Allez. Allez, je suis au port, là, je vais jouer. Oh, Vanessa. Oui, elle est là. Je suis là, je suis là. Putain, c'est toujours moi la fin. On est là toutes les deux. Allez, je continue. Là. Oui. Vas-y, plus fort, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus loin. Et Jean-François, crie ton nom. Crie ton nom. Jean-François. Voilà. Vas-y, allez. Ça, oui, je suis là, mon frère, pour faire le pire. François. On est presque au bout là, il faut qu'on jouisse en même temps. Je m'assure. Oui. Mais il faut que ça sorte. Allez, vas-y, continue. Allez, fais sortir ton jus. Vas-y. Imagine que t'en mets partout sur Cristal. On est là, on a la langue tirée, on attend que ça. Les jupes en couleur. Oui, il est en mini-jupe et en collant. Oui. Et j'attends qu'une chose, c'est que tu me jutes dans la gueule. Elle est en écolière. Oui. Allez. Voilà. Vas-y. En plus, c'est une petite métisse. Branle-toi plus fort. Elle est là. Oui, je suis là. Ah, je vais jouer. Ah, ben vas-y. Allez. Mets-moi dans la gueule, j'attends. Allez, vite, cette radio me rend ouf avec l'écho, là. Tu te crasses dans la gueule. Oui. Toutes les deux, fais une doublette. Oh, fais-nous une doublette. Ah, je vais jouer sur toi. Oui, mais tout ce que tu peux. Mets tout ce que tu peux. Je vais jouer sur toi. Oui. Oh, je vais jouer sur toi. Vas-y. Je vais jouer sur toi. Vas-y. Bah, allez, encore. Pour t'habiller, là. Vas-y. On est en écolière. Oui. T'habilles des jupes. On est étudiante. 18 ans. Allez, prends-toi. On est en collant noir. Oh mon dieu, tu m'excites. Ah oui, c'est génial. Oh, tu m'excites. Allez. Allez. Allez. Vas-y, Jean-François, putain. Je vais jouer. Eh ben, on attend que ça. Mon dieu. Crie ton nom, putain. Oh, elle est ça. Jouer à l'air. Elle écrit ton nom. Jean-François. Plus fort. Allez, il est peine à jouer aujourd'hui. Jean-François. Vas-y, plus fort. Jean-François. Allez. Attends, ça sera... Allez, jouer, putain. Putain, j'en peux plus. Oui, je vais jouer. Mais ben, vas-y. Oui, ça vient. Vas-y, mais fais pas chier, joue, bordel. Vas-y, mets-moi tout dans la gueule. Oh, il va me laisser ça, vite-moi. Allez, on est là, allez. Vas-y. Plus fort. Continue. Oui, je t'en stocke. Allez, vas-y, continue. J'en peux plus. Pense à Cristal, les jambes écartées. Oh oui, la chatte en fer. Je rassure, là. Eh ben vas-y, putain. Eh ben vas-y. J'ai du mal. Eh oui, on l'entend. Vas-y, en plus, on lâche pas l'affaire, hein, je vous préviens. Hein. Mets-moi tout dans la gueule et arrête de faire chier. Même si on met plus de 10 jusqu'à 2 heures, on lâche pas l'affaire. Hein. Je te crache dessus. Vas-y, crache-moi dessus. Vas-y. Crache-moi dessus. Franchement, Vanessa. Je suis là. Crache-moi dessus. Non, Vanessa. Elle est là. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux faire, Vanessa? Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-François? Je suis en collant noir comme Cristal. On est habillés pareil. Oui, comme deux petites chiennes. Oh, on est des chiennes. Oui, on est des chiennes. On aimerait bien que tu jouisses. Des chiennes. Allez, on va se. Oui, elle joue, Vanessa. Vas-y. Vas-y, Vanessa. Bien sûr, jouer. Ah, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais enfin, vas-y. Allez, lâche-nous. Lâche la purée, putain. Arrête pas, vas-y. Allez, Jean-François. Allez, t'arrêtes pas, Vanessa. Vas-y, on s'arrête pas. On continue, on est là. Ça serait bien que t'y ailles, à un moment. Oui, à un moment, oui. Hein. Vas-y. Oui, deux grosses chiennes. Allez, on est des salopes. On est des belles salopes. Allez. T'as bien venu, j'ai pas eu des quoi en moi. Oui, exactement. Oui, la lampe pendante attendant ton jus. Et avec notre 85D qui dépasse, baise-nous. Oh mon dieu. Oh, baise-nous comme allez, des putes. Allez, vas-y, plus vite. Allez, jouir. Vas-y, plus vite. Branle-toi plus fort. Plus vite. Vas-y. Oh, Vanessa, tu m'excites. Plus vite. Tu nous excites, on est trop chaud. Vanessa, arrête. Mais on est là, on est là, toutes les deux. On est quasiment au bout, on t'attend, là, vite. Oui. On attend plus de toi, pour... Oui, allez. Allez. Oh oui. Allez, ça y est. On y est, continue. Ça vient. Continue. Vas-y. Ça vient. Continue. Vas-y. Ça vient. Vas-y. Allez, t'as fait jouer. Oui, voilà, je te fais. Vas-y, regarde. Voilà comme ça. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est ça. Oh, tu es bonne. Eh oui. Valentin. Les grosses macules, là, les grosses. Ouais, mais vas-y, Ré. Envoie le bordel, là. Envoie la purée. Je m'en vais avec ça. Elle est là. Oui, je suis là. Écoute, je crie. Voilà. Bon, tu vas l'envoyer, cette putain de purée. Ah, je vais envoyer la force. Ça y est. Allez, va donner ça. Vas-y. Oui, va falloir. Allez. Oui, va falloir. Allez. Non, elle a la sauce. Non, elle a la sauce. Mais bon, vas-y, là. Allez, je vais jouer. Envoie-la nous dans la gueule, la sauce, putain. Oui, Vanessa, t'arrêtes pas. Je m'arrête pas. Ouais, je t'arrête pas. Non, on n'arrête pas, nous. Je t'arrête pas, je vais jouer. Mais on n'arrête pas, nous. C'est 1 cm, ma queue. Oui, mais c'est génial. On aimerait bien que tu la fous, fond de ma queue. Elle est grosse. Elle est énorme. Allez, vas-y, continue. Fais-la éclater. Mets-en partout. Oh, Vanessa. Plus vite, plus vite. Vas-y. Attends, j'ai pris des corps. Vas-y, ma femme. Oh là là, vas-y. Oh là là. Ouais, vas-y, oh vas-y. Oh Vanessa. Ça y est. Non, ça vient. Ah ça y est, viens, allez, allez, allez, ça allez, vient. Allez. Oh ça vient. Ah ça vient. Ça vient. Mais il serait temps. Franchement, Vanessa. Mais je suis là. Attends, je vais te parler en anglais. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yes, yeah. Yes, yes, yes. Allez encore. Yes, yes, yes. Ça vient. Yes, yes, yes. Une chose, une chose. Oh, ouais, ma mère, je prends ça. Il faut y aller. Hein, gros. On n'a pas la nuit. Allez, allez, crie ton nom. Crie ton nom. François. Allez encore. Jean-François. Allez, Jean-François, vas-y, putain. Vas-y. Jean-François. Vas-y. Vas-y. Jean-François. Vas-y. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Oh putain. Ah il était long hein. Oh elle était longue celle-là. Oh là là là là là. Bon allez, on récupère Alexandra dans quelques minutes là. Vous bougez pas, c'est Fun Radio, on est en direct jusqu'à 2h du mat. Ouh, Alexandra arrive dans quelques minutes là. Et puis on se fait Armin van Buuren, on va se remettre de nos émotions là. Ouh, c'est ping-pong maintenant sur Fun, 1h03, bonne nuit. Le son Van Buuren à l'instant sur Fun Radio, c'était Ping Pong. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio. Là, plein de messages sont arrivés. Il y a Let's Be Flux, il dit bah putain, faut plus offrir un rendez-vous chez le doc car il a un problème de direction, Jean-François là. Non, mais direction, non, mais de peine à jouir. Oui, il était lent. Hein. Oh, ah là, là, ce soir, il était lent. On l'a connu plus rapide. Nono qui dit excellent. Enzo également. Putain, j'ai mal au ventre. Carla qui dit vous êtes énorme. Florian aussi, moment inoubliable avec Jean-François. Je suis mort de rire en vous écoutant. Continuez comme ça et bise à toute l'équipe. Merci Florian. Devers45, Mickaël, que vous êtes de grosses cochonnes, vous deux, mort de rire. Vous voulez une grosse faciale, mort de rire des ouf. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message Didi qui dit ah oui, et cette radio allumée qui me rend folle, mort de rire. Non, mais ça m'a rendu ouf. Ouais. Avec l'écho derrière, il voulait pas couper la radio là. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il arrivait pas à se concentrer. Mais oui, voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Et les duos en cœur de Crystal et Vanessa, là, trop forte. Fred S34, mais quelle bande de déjantés vous êtes. Sarah Svati aussi arrive juste. Qui entends-je sur qui? J'entends sur Fun. JF en pleine action avec Vanessa et Crystal. Ah bah oui, ça arrive une fois par semaine et pas toujours le même jour. Hein. Non, non, c'est ça, c'est dépend lui qui de Jean-François. Décide, nous, on bah pas oui. Le choix. Et Célia qui dit on t'aime Jean-François. Jeanne Françoise aussi. Et comme il a la radio allumée, bah il se branle sur le son de lui-même en train de se palucher. Ouais, mais c'est ça. C'est... Narcissique le Jean-François. Ouais, à mon avis, ça vient de là, exactement. Ouais. Y a Carla aussi. Quand on n'a pas le moral, suffit de vous écouter, c'est reparti. Bah c'est gentil. Et Nono qui dit pétez de rire la voix. Et Fred S34 qui dit c'est parti pour ce grand moment de radio en trio. Oh my god. Ah oui, on était en trio et même plus, puisqu'il y avait également Alexandra qui voulait me dire un truc là. Alexandra, t'es là? Alex? Ah, Alex, alors qu'est-ce que tu voulais me dire avant qu'on ait Jean-François là? Alors, je voulais te demander, parce que je vais vous envoyer quelques petits cadeaux. Non, mais il faut pas, c'est pas nécessaire. Et on a déjà tout ce qu'on veut. Ça me fait plaisir. Non, mais écoute, alors, c'est gentil. Mais... C'est comme ça. Tu vas nous envoyer quoi? Tu me feras pas changer d'avis. Pour Sandro, pour toi, je sais. Pour Cécile, je sais. Mais j'ai du mal pour Polo et pour... Tof. Marcel. Ouais, pour top. Écoute, pour Polo, tu peux lui envoyer. Si, lui faut un cadeau. C'est un connard, il après, il va être jaloux. Une belle tasse de café. Parfait. Eh ben, il la prend. Voilà, et pour Top, tu peux lui envoyer. Qu'est-ce que tu peux lui envoyer une petite culotte usagée. Ouais, ah, voilà, oui. Bien sale. Ouais. Que tu auras porté pendant au moins une semaine. Voilà, et ça, tu peux lui envoyer. Non, mais c'est vrai, hein. Sérieux? Bah oui! Il adore! Non, mais il collectionne. Véridique, véridique! Ou alors un cercueil! Ouais, non, bah oui, non, mais le cercueil, on l'a commandé. Non, mais bon, ça sera un peu compliqué, hein, le cercueil. Oh, écoute, c'est une idée, hein, pourquoi pas, après, à voir, quoi, hein, pourquoi pas. Bon, voilà, en tout cas, bah, merci d'avance, en tout cas, merci beaucoup. Parce que je sais ce que tu aimes, et c'est les mêmes choses que moi, et... Ça, c'est pas sûr, hein, c'est... C'est quoi? Alexandra, c'est quoi que vous avez en commun? C'est hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. T'as été en Indonésie. Oui, en Indonésie, oui. Oui, voilà. Et je voulais t'offrir une toile, tu sais, qui représente beaucoup de chance. Franchement, je serais contente. Ouais, qui représente quoi? Bah, qui représente une divinité. Ah bah écoute, pourquoi pas, on la mettrait dans le bureau. Voilà. On la mettra dans le bureau, derrière moi, face à Polo. Non. J'ai déjà Britney derrière, ça va. Ben voilà. Non, mais derrière moi, comme ça, toi, tu l'as face à toi. En face non, à, mais en face non, envoie. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ah, écoute, merci beaucoup, Alexandra. Hein. Non, mais c'est véridique. Bah oui, non, mais je te remercie. Je te remercie d'avance. Je le fais petit à petit. Mais garde ton argent alors. Mais non, mais c'est déjà fait. Mais je le fais avec mon cœur. Eh ben, c'est le principal. Voilà, ben c'est gentil alors. Ben Michael, je te remercie. Avec plaisir, merci d'avoir appelé Alexandra. Gros bisous et bon anniversaire. C'est un plaisir de t'avoir. Tout à fait. 22 rue Bayard. 20 rue Bayard. 20 rue Bayard. 20. Ouais. À l'attention de Toff. T-O-P-H. On m'a dit de marquer à l'attention de l'équipe de... Oui, voilà, de Michael No Limit. Voilà, c'est très bien. Voilà. Non, mais c'est mieux Toff. Voilà, mais c'est pareil, ça marche dans les deux cas. Mais t'inquiète pas, Toff, bon. J'adore. Ça marche. Salut Alexandra. Mais pas trop souvent, quand même. Allez, ciao à toi Alexandra, je vais te repasser Sandro. Sandro qui va te donner l'adresse et tout pour envoyer pour être sûr que ça se perde pas là. Let's Be Freaks qui dit ah bah voilà, je vais envoyer une petite culotte à Toff. Eh bah ouais. Bah voilà. Eh bah vas-y, mais usager Let's Be Freaks, on compte sur toi. Hein. Et alors Emily qui dit coucou l'équipe, je viens d'entendre avec mon chéri votre canular avec Jean-François. Il a dit qu'il voudrait jouir avec Christelle et Vanessa. Oh là là. Ah, Emily, il est pas fini ton mec, il a un problème dans sa tête à mon avis, non? Enfin, qui nous appelle après s'il veut, hein, nous on rappellera, oh, on rappellera. Bien sûr, on mettra en relation. Ben on les appellera sans problème. Et Jeanne Françoise qui dit la divinité au-dessus du cercueil capitonné de Toff. Ah non, moi je rentre plus dans ce bureau. Et vous aurez le bureau le plus classe du monde. Oui, déjà qu'on a un vélo d'appartement dedans, c'est quand même pratique. Non, et vous arrêtez de mettre de la merde parce que je ne peux plus avancer dans ce bureau. Et en plus, Toff qui va mettre une croix là pour se faire attacher dessus, ça va être au top là. Et Nono qui dit j'ai l'impression que toutes les merdes finissent dans le bureau. Bah on a commencé par être dedans. C'était les premières merdes qui sont rentrées dans cette pièce. Et puis on a enchaîné avec tout le reste. Hein. Faut juste dire que hier on faisait la réflexion avec Toff. Le bureau le plus crado c'est quand même celui de Toff. C'est vrai. Il y a de la merde. C'est-à-dire que j'ai jamais vu des couches de merde aussi. Ah ouais. Pas de la faute. Enfin c'est des papiers. Déjà il y a deux sacs à dos. Il y en a trois. Trois maintenant. Il y a des chaussures, des chaussettes qui sont planquées là, mais sales. Un t-shirt sale. Voilà, tout est sale. Voilà. Et des papiers partout. Enfin, voilà. Des sacs de McDo. Demain on vous fera une photo des quatre bureaux hein, de Sandro, de Toff. Deviner à qui de Polo et du mien, et à votre avis, lequel appartient à quel membre de l'équipe? Ouais, Ça me paraît pas mal, ça me paraît un bon plan. Vous allez voir la merde de Toff. Voilà, c'est ça. Le plus propre, c'est celui de Sambar. Stop. Ne donnons pas plus d'indices. Oui, ce serait donner trop d'indices. Vous jugerez demain, on fera des photos demain, c'est pas un problème. Alors, ah oui, je voulais vous parler d'un truc là. On a tous un pote ou une copine qui se la raconte sur Facebook ou sur Twitter. Oui, oh, j'en ai plusieurs. Ou sur Instagram, peu importe. Voire même dans la vraie vie d'ailleurs, il y en a qui se la ramènent aussi. Eh bien, venez nous dire si votre pote est pire que Kurt. Alors, Kurt, c'est un Australien qui a changé la place de son lit pour être dès le matin face à son miroir. Alors le mec il a pas plutôt dû, il aurait pu se dire change le miroir de place, non, il a changé le lit de place. Bah, il a raison, tant qu'à faire, bah ça oui. Fait un peu d'exercice, c'est bon. Mais tout ça pour s'admirer, alors c'est pas tout aussi, hein. Le mec dit qu'il est un cadeau de Dieu tellement il est beau. Voilà, il s'adore et son exemple dans la vie c'est Paris Hilton. Ah oui. Ça vous donne déjà un niveau de... On voit le niveau. Ça aurait pu être Miguel Vendetta. Oui, c'est vrai. Mieux, c'est quand même vachement plus classe Paris Hilton que Vendetta quand même. C'est parce qu'il le connaît pas, Vendetta. Ah, peut-être, ouais. Bon, il a quand même fait plus de 100 000 selfies à 17 ans. Hein. Donc, combien il en fait par jour? Ah, bah, blindé, hein, visiblement. Donc, venez nous dire si vous avez des gens comme ça dans votre entourage et surtout ce qu'ils font là. Je pense qu'on peut, à mon avis, bien se marrer. Donc, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Venez nous dire en gros s'il y a des gens dans votre entourage qui se la racontent, que ce soit sur Facebook, Twitter ou même dans la vraie vie. Appelez-nous et on en parle dans quelques minutes. On aura les appels malveillants de Toff dans un quart d'heure et Jérémy avec nous de Lorient. Salut Jérémy. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, oh là là là. T'as l'air au taquet, Jérémy. Hein. Ouais, je suis fatigué. Bah, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérémy? Je suis mis trop de bédos. Ah, bah ouais, bah voilà. Nous avons donc trouvé le problème. Le gros gars du jour. C'est ça. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Jérémy? J'ai des sentiments pour mon chien, je crois. Ah oui, t'as fumé trop de bédos au soir, je comprends. Oui, donc je rappelle, la drogue, c'est mal. C'est mal, la preuve. Hein. Mais comment ça, t'as des sentiments pour ton chien? Bah, c'est cool de voir. Parce que tout le monde aime bien son chien. Quand on a un chien, tout le monde, on aime bien son chien. T'as un chat, t'aimes bien ton chat. T'as un oiseau, t'aimes bien ton oiseau. Bon, bref. Mais je dors avec lui et des fois, il me caresse avec sa patte. Avec sa patte? Il te fait des massages ou pas? Oui, des fois. Ah mais... ouais. Tu lui as. Est-ce qu'il arrive à branler entre ses coussinets? Il l'a fait une fois, mais il a pas décidé. Tu lui as avoué tes sentiments ou pas? Ouais, mais il me répond pas. Bah tu veux qu'on l'appelle? Bah ouais. Attends, on va l'appeler si tu veux. C'est quoi son numéro? C'est quoi son nom? Mais il a plus de puce. Comment ça, il a plus de puce? Ah, il a plus de puce, il a plus de carte SIM? Ouais. Merde, quoi, il a pas payé l'opérateur? Il était renforcé, hein. Ah merde, bah oui, c'est quel con ce chien aussi là. Bon, et c'est pas grave. Comment il s'appelle le chien? Hugo. Ah ouais, très bien. Et c'est quoi comme chien? Un bulldog. Ah, c'est un bulldog? Ah, ouais, mais l'avantage c'est que ça bave bien un bulldog. Hein. Ah ouais, bah, mais c'est ça. Tu t'en es rendu compte que t'avais des sentiments pour lui? Est-ce qu'on peut appeler Anthony pour voir s'il y a moyen éventuellement qu'il y ait peut-être un conseil à donner à Jérémy, Anthony de Charleroi, comme il a cassé avec sa meuf là il y a quelques jours. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il a quelques conseils comme il a des conseils sur tout. Puisqu'il est à moitié bi. Donc oui, c'est vrai. Peut-être qu'il a à moitié zoophile aussi. Ah bah va savoir. Bon bah appelez-nous en tout cas là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon bah Jérém, reste avec nous. Oui. On va essayer d'avoir Anthony dans quelques minutes au téléphone qui pourra peut-être t'aider, d'accord? On va peut-être appeler la SPA aussi. Ouais, bon bah reste avec nous Jérém. Et puis on aura Kevin aussi avec nous. Salut Kevin. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bon écoute, plutôt pas mal hein. Ah, t'as pas fumé toi Kevin? Non. T'as pas envie de pécho ton chien? Non, ça va, merci. Et ton perroquet, ça va? Nous voilà rassurés. Ouais, mais par contre, lui, il aimerait bien pécho à chameau à Marine Land, donc. Ah oui, ça c'est possible. Bon, et Kevin, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? De partouze. De pas, bah voilà, tu vois, c'était pas loin. Ouais, c'était pas loin, effectivement. On est pas loin là, ouais. Bon, reste avec nous, Kevin. On va en parler dans quelques instants. Bah là, beaucoup du coup, si vous avez déjà fait des plans plusieurs, appelez-nous, même si je sais pas exactement de quoi en découlera le sujet de Kevin à propos de la partout. Ça peut être très vague, hein. Oui. Et il peut y avoir des vagues aussi d'ailleurs. Bon, bonne nouvelle, on aura Anthony dans quelques minutes là qui aura peut-être quelques conseils à donner à Jérémy. Ce sera juste après le son de Dioro qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec 5 Hours. Dioro que vous avez découvert sur Fun Radio, on est toujours au cœur de la nuit sans pub, soyez les bienvenus. C'est comme ça tous les soirs, hein, si vous débarquez pour la première fois. C'est Mickaël Nolimit, 23h à 2h. Et tous les dimanches soirs, on est en direct également de 20h à minuit sur Fun Radio. Bonne nuit sur Fun. Le son de Dioro sur Fun, c'était 5 Hours. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, 1h20 sur Fun. Et puis on avait demandé tout à l'heure le son de DJ Snake avec Turn Down for What. Eh ben je vais vous le passer tout à l'heure là. Ah, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, c'est DJ Snake et Lil Jon. Turn down for what? Voilà, je vous le passe tout à l'heure sur Fun Radio. Là, restez bien là, il y aura les appels malveillants de Toff également. Et puis on passera aussi le son de Gillo. Ah, plus calme tout de suite, là, plus calme. Gillo avec First Love. Et il y a Jérémy aussi qui dit je peux avoir une petite dédicace pour Jérôme, il se reconnaîtra, il écoute. Bah salut Jérôme. Et Véro aussi, mort de rire en écoutant Mickaël avec Crystal et Vanessa tout à l'heure. Et Nadia qui dit ça y est, la machine est enclenchée. Et Sandrine qui dit excellent. Alors on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas je te remercie Sandrine par rapport à un truc qu'on a fait tout à l'heure probablement. Et puis Nicolas qui dit le soleil nous oublie parfois, mais Mickaël et son équipe nous ensoleillent une nuit de bonheur. Oh, so sweet. Choupinou. Mais oui. Et puis Céline qui dit hello toute la famille, vous allez bien? Eh ben plutôt pas mal là, plutôt pas mal. En plus on aura les appels malveillants dans quelques minutes. Et puis on va parler aussi eh ben, des mecs qui se la racontent là, et qui se la ramènent sur Facebook et Twitter. Est-ce que vous avez des amis qui se la ramènent sur Facebook, Twitter? Ces gens qui se prennent pour les plus beaux, les plus belles du monde, qui arrêtent pas de se prendre en photo H24, ça devient un peu saoulant. Appelez-nous pour voir un peu comment ça se passe. S'ils sont comme ça dans la vraie vie aussi. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Puis la Belgique. Ce qu'on a comme avantage, c'est qu'avec Toff en pote, on n'a pas ce genre de problème. Non c'est ça, moi je suis pas du genre à faire des selfies pour on pas quelqu'un, bah oui c'est ça, on n'a pas quelqu'un qui, enfin il est pas du style à se la ramener parce qu'il se trouve beau quoi. Non. Ça Non d'ailleurs je fais jamais. Je nous en a gardé à ce niveau là. D'ailleurs moi je fais jamais de selfie, ça sert à rien. Bah c'est ça, c'est tu laisses ça aux autres, aux beaux gosses, aux BG. Bah c'est ça exactement. Mais t'as bien raison, t'as bien je raison. Je fais ça à Polo, Polo il fait des très très beaux selfies. Ah mais bien sûr, bah lui il est au taquet du selfie là, il passe sa vie à faire des selfies. Mais je suis pas un beau gosse moi. C'est non tough, mais tu te prends pour un beau gosse. Non pas du tout. Quand tu te fais en mode selfie, t'es sérieux là? Non, il est toujours là. Ouais. Dès qu'il non, a un petit faux. Poil de travers, hop, il le met droit. C'est faux. Et il se prend avec les c'est yeux faux. Un peu plissés, le front c'est un peu. Faux. Arrête. Je les prends à la, je les prends toujours à l'arrache. Mon cul. Le front sous le front ouais. Sous la lumière. Jamais. Je fais toujours comme ça. Arrête. À l'arrache. À l'arrache. Oui, à l'arrache parce qu'il est pendant deux heures en train de se regarder. Mais jamais. Et puis tout d'un coup, son pouce part et tac, c'est à l'arrache. Mais j'ai pas. Je suis pas. Un, mais jamais. Tu te la ramènes. Mais non, je prends ça à l'arrache et puis ça sort bien quoi. Eh oui, alors c'est il ça, met par hasard. Il met 150 filtres, tout le bordel, c'est la folie totale, mais n'importe non, mais, quoi. Mais le pire c'est quand tu pars en vacances, il prend blindé de photos comme ça, tu le vois et tout, tu sais, tu te dis mais il en fait rien. Et puis en fait il arrive à l'hôtel, il se met sur le wifi et puis il check ses photos, il se met le bon filtre et tout, et puis hop il l'upload. Et voilà, c'est ça. Et puis après forcément il rencontre des meufs, les meufs déçues parce qu'elles voient le matos original. Et elles se disent attends, il est où le beau gosse de. Je vous remercie pour ces jeux. Le pour beau gosse. D'amour là que vous me voulez. Voilà, et bah en fait non, toutes les meufs sont c'est déçues. Moralité, merde. Ne jouez pas trop avec les filtres. C'est vrai. Ah non mais c'est vrai. C'est dingue quand même. Mais j'en mets pas tant que ça, j'en mets un ou deux pour, afin d'en fait d'atténuer les lumières, parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est ouais. Tout quoi. Mais c'est vrai. D'atténuer les lumières ou les défauts. C'est le lissage. Ça, bah ouais. Il y a Félix qui dit petit bisou sur la fesse gauche de mon chef. Eh ben, il sera ravi d'entendre ça, Félix. Le message est passé, même si on ne sait pas où tu travailles et ni même qui est ton chef. Bon, Jérémy. Oui. Bon, tu nous avais appelé toi parce que t'as un problème assez important. Tu nous as appelé parce que tu commençais à avoir des sentiments pour ton chien. Ouais. Voilà. Et heureusement, on a Anthony qui est avec nous de Charleroi. T'es là, Anthony? Spécialiste de la oui, question. C'est nickel. Bon, ça va bien, Anthony? Un peu fatigué, mais ça va. Bon, bah écoute, bah oui, un peu fatigué, j'imagine. Hein. Bon, on t'avait eu la semaine dernière parce que t'avais quitté ta copine, enfin ton ex. Oui. Voilà, donc t'avais c'est quitté ça. Ton ex, qui était déjà ton ex à ce moment-là. Hein. Oui, c'est ça, il l'a requitté. Oui. C'est très important. Tu sais, il y a des gens, ils se remarient parce que tu sais, ils sont bien dans leur couple et lui, pour être sûr qu'il était pas bien voilà. Dans le sien, il se requitte. Voilà. Chaque année, il la quitte. Voilà. Et donc, en gros, Anthony, je vais te passer Jérémy puisque il a un petit problème et on voulait avoir l'avis d'un professionnel. Alors, personnellement, nous, ça nous est jamais arrivé. Donc, je me dis que peut-être t'aurais une solution pour nous. Tu peux nous aider, Anthony, ça te dérange pas? Non, j'ai le temps. Eh, bon. Anthony, rappelons que tu es bi et gay. Et hétéro-curieux. Moi t'es plutôt gay. Gay, mais il est à moitié bi. T'es à moitié bi, non. Tu nous as dit la dernière fois. Oui, mais j'ai bien réfléchi, faut faire gaffe. Ah, tu as, d'accord. Donc depuis la semaine dernière, t'as réfléchi, quoi. Bon, voilà. Ok. T'as bien raison. Bon, écoute, je te passe Jérémy, Anthony. Il est là, Jérém. Oui. Bon, je te passe Anthony. C'est un grand docteur enfin, c'est un grand docteur. Il va t'aider. Il va t'aider. Anthony. Allô. Anthony. Oui. J'ai des sentiments pour mon chien, je crois. Attends, j'entends rien, Jérémy. Tu peux parler dans ton téléphone plus clairement? J'ai des sentiments pour mon chien, Anthony. Bah oui, d'accord. Tu peux m'aider ou pas? Bah oui, moi je veux bien t'aider, mais... que je te dise plus, t'es amoureux de ton chien, bah... Moi ça m'est jamais arrivé, donc je ne sais pas t'aider vraiment, quoi. Parce que je peux être amoureux de toi aussi, c'est bien. J'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, peut-être Ce qu'il pourrait faire, c'est trouver une petite copine ou un petit copain et... Et pas sortir avec son chien parce que c'est pas propre. Un couple à trois sinon, non? Ouais. Mais c'est pas propre, c'est-à-dire? Bah il peut avoir des maladies, et le chien peut être malade aussi, enfin il peut attraper toutes sortes de maladies qu'il voudrait pas, quoi. Non, on se protège. Bah même si je te protège, c'est pas propre, moi je viendrais pas faire ça, ça me dirait rien. Ça te dit rien? Quoi, ça te dirait pas de te faire lécher par un chien? Ah non, vraiment pas du tout. Ah oui. Parce qu'il paraît qu'ils ont la langue bien râpeuse et tout, hein. Ça fait des effets de ouf. Hein. Ah, je sais pas, j'ai jamais essayé, ça m'aiderait pas. Non, moi, je te conseille, Anthony. Non, mais attends, toi, c'est pas. Attends, t'es pas sexuel, toi, c'est de l'amour, tu l'aimes. C'est de l'amour, toi, tu aimes ton chien, t'as pas envie qu'il te pécho quand même, rassure-moi. Tu veux l'épouser, tu veux lui mettre la bague au doigt, la bague à la patte. Hein? C'est ça le truc? Et bah oui! C'est mon rêve. Ben voilà, c'est ça. Donc t'as pas de conseils, Anthony, à lui donner là? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place? En imaginant que tu sois à sa place, tu ferais quoi? Hein, genre le chien, il arrive, il est devant toi. Voilà, le chien arrive. Il est là, il est content, il voit son maître. Il remue la queue. Voilà. Et là, tu lui dis, écoute-moi bien, Bulldog, j'ai un truc à te dire. Alors, là, il attend. Là, il veut que tu lui parles. Moi j'ai rien à dire. Mais si, il faut que tu parles au chien là. Il faut que tu lui parles, sinon il va te violer. Eh, tu fais des études pour ça quand même. Bah oui. Bah je ferai une petite caresse pour lui dire bonjour, mais c'est d'accord. Tout. D'accord. Donc là il boit. Pour fêter ça, hein. Un petit verre comme Alexandra. Ah bah c'est normal, champagne. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin bon là c'est un peu la flotte quoi. Donc tu lui fais une petite caresse, tu lui dis bonjour, là il est content, il remue la queue et après. Vas-y Anthony, fais-nous une démonstration de séduction. Bah après c'est tout. Ah c'est tout, tu vas pas plus loin. Quoi, après tu le fous en direct. Non mais attends, la dernière fois tu nous as fait une démonstration de cassage de couple extraordinaire, vas-y là. Évidemment, là je comprends pas comment ça se fait que t'arrives plus là. Ouais, c'était une fille. C'était mais là aussi c'est une chienne, vas-y. Mais imagine que c'est une chienne. Bon non mais c'est pas mon trip ça. Mais non, personne. Mais... Non mais d'accord, ok, bon, on a compris que c'était pas ton trip, mais imagine. Bah je sais pas m'imaginer, je suis pas dans le cœur. Imagine. Je sais pas imaginer, Mickaël. Allez, tu peux pas imaginer. Tu sais où tu peux? Où tu veux? Non, je sais pas. Oh là là là là. Ah oui, Anthony, t'es mou. Ah oui, pourtant j'y croyais là. Hein. Ouais. Quand t'as cassé avec ta meuf 14 fois là d'affilée la semaine dernière, moi je pensais que t'allais pouvoir donner un conseil à Jérémy. Ah bah tant pis. Bon bah c'est pas grave. Hein. Écoute, c'est rien, c'est rien. Ah, on est super déçu. Hein. Ouais bah tant pis. Attends, il y a Maxime qui est toujours avec nous là de Liège. Salut Maxime. Ouais. Ça va? Ça va. Nickel et vous? Tranquille. T'as un conseil à filer à Jérém, toi, Max? Avec son chien? Ouais. C'est horrible. Non, mais il l'aime. Attention, c'est de l'amour. Ah, attention, c'est de l'amour. C'est vrai. Il a pas envie de lui casser les pattes arrière, c'est ce qu'il veut dire. Non, il veut l'épouser selon les liens sacrés du mariage. Du mariage de chien? De chien. Et il veut vivre avec? Ouais, dans la niche. Dans la niche. Il faut qu'il change de pays. Pour? Bah, pour pouvoir m'épouser son chien. Il y a bien des pays où ça doit exister, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, non, sans déconner. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est comment il peut lui faire sa déclaration. Physiquement. D'accord. Il l'embrasse. Si c'est méchamment... Ouais, c'est glauque, quand même. Mais physiquement, il pourrait. Ouais, il court derrière, il retourne et hop. Ouais, peut-être. Ah, c'est comme les meufs qui font, ou même des mecs, hein, tu sais, qui se font lécher la bouche par leur chien pour faire un bisou. Ah non. Ça, c'est un truc, je peux vomir en voyant ça. Oh. Ouais, moi aussi, je pourrais. Une horreur. Non, mais c'est vrai. C'est scandaleux, hein. Scandaleux. Bon, bah, Jérém, merci d'avoir appelé quand même et puis sois heureux avec ton chien. Je peux me parler à Maxime? Ah bah, vas-y. Ouais, vas-y. Je t'écoute. Ouais, bah, j'ai essayé de changer de pays. Bah ouais, c'est le mieux, je crois que c'est ce que... Ouais. J'étais en Chine, mais ils m'ont bouffé. Ah putain, les enculés. Ouais, ah, ça enculés, c'est... Bande d'enfoirés. Ouais, c'est ouais. Chinois. Bah, ils l'ont bien vu. Ils te l'ont servi en brochette. Mais... T'aurais pu faire des choses avec la brochette. C'est ça, hein. Ouais, mais franchement. Ils ont bridé, mais ils voient bien. Ils voient bien que leurs yeux bridés. Bah ouais, putain, ouais, mais ça c'est le problème. Ça c'est jamais avec son chien là-bas, hein, parce qu'après forcément ils t'en font de la bouffe et tout, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, mais c'est horrible. Enfin, bon bah Jérém, bah écoute, bon courage avec ton chien, tiens-nous au courant, hein. Ouais, bon, ça roule. Et Tov veut être invité au mariage. Hein. Ah, évidemment. Ouais. Voilà. D'ailleurs, si t'as une chienne ou deux, moi je suis preneur. Ça roule. Bon, salut ouais, Jérém. Ouais, surtout les chiennes. Allez, ciao à toi Jérém. Merci Maxime d'avoir appelé. À bientôt. Ouais, ciao. Ciao, ciao, ciao. Il y aura Bart dans un instant qui voulait réagir par rapport aux gens qui se la ramènent sur Facebook. Anthony. Oui. Et on a un autre Anthony pour toi qui voulait te parler. Salut Anthony. Oui. Salut. On va faire des petits. Enfin, non, mais. Façon de parler. Ça fait pas de petits. Non, non, mais bon, façon de parler. Salut Anthony. Salut. Ça va? Ouais, toi. Ouais. Mais c'est quoi ce délire? On a créé un couple là, ou quoi? Non, mais attends. Non, tu m'as dit que tu étais célibataire, que tu avais largué ton ex. Oui. Comment ça te fait? Ben, je l'aimais pas. T'as pas de copain, là? Puis t'es de où, toi? Ben, moi, je suis le roi, en Belgique. Et toi? Oh putain, t'es loin, c'est ballot, je suis en France, moi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le train, ça existe, bah, l'avion, ouais. Ça existe, tout existe, hein. Ouais, mais attends, je me suis déjà déplacé du côté de l'autre France. En Bretagne, c'est bon, quoi. Ouf. Ouais, mais bon, tu sais, si au bout du train, il y a un coup de bite, ça vaut le coup. Hein. Bah, et puis après, vous pouvez faire l'amour par téléphone. Truc de fou, j'arrive pas à trouver mon sucre. Qu'est-ce que t'arrives pas à trouver? J'arrive pas à trouver mon sucre. Ton sucre? Oui, je vais en chercher du sucre. Ah, tu veux du sucre? Bah. Oui, mais vous en avez pas. Sinon, on en a dans le bureau, hein, si tu veux. Bah, tu peux m'en envoyer là? Bien sûr. Ah, bah, bien sûr, bah, on va t'envoyer ça. Non, mais parlons sérieux, là. Je suis avec Anthony maintenant. Donc, t'as quel âge, Anthony? Moi, j'en ai 20, et toi? J'en ai 26. Et j'ai foutu de ma tasse à café. Ouais, mais t'as là, combien de centimètres? Pourquoi dans la queue? Bah, oui, l'âge, on s'en fout. Oh, l'oreille. Voilà, putain, j'en ai 20, moi. Anthony? Je suis monté 20 par 4, c'est rien. Comment ça, t'en sais rien? Il a même mesuré. Il l'a pas mesuré, il est trop jeune. C'est bien le premier mec qui a pas mesuré sa bite. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. En même temps, il suffit de regarder la main. Hein. Ah oui, tu regardes, ou tu prends, je sais pas moi, un genre de, je sais pas quoi, centimètre, et puis tu mesures. Un genre de centimètre, oui, voilà, c'est ça, tu peux prendre un genre de centimètre. Et puis tu mesures, et j'ai foutu de la cuillère. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, tu veux dire, quoi. Anthony, t'as fumé un truc aussi, toi, ou pas? Non, j'ai juste mon café, mais ça c'est bon, j'ai mon café. Ah d'accord, ok, bah il va falloir trouver du sucre. Bon, les deux Anthony, à la limite on va vous mettre en antenne, comme ça vous gérez, on prendra des nouvelles après. Y'a pas de soucis. Bon bah très bien, parfait. Alors salut à vous deux. Salut. Ciao, ciao. À bientôt. Et bah voilà, peut-être que Philamo il aura trouvé bite à son cul. Mais eh ben en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. Bon, on l'avait demandé tout à l'heure sur Fun Radio, on est toujours au cœur de la nuit sans pub, on aura les appels malveillants à caractère pornographique évidemment de Tof comme chaque soir vers 23h30, 1h30 et 1h30. Et puis on écoute le son de DJ Snake, on l'avait demandé tout à l'heure. Turn down for what maintenant sur Fun Radio, bienvenue. Le son de DJ Snake avec Lil Jon à l'instant sur Fun Radio, 1h36, on est au cœur de la nuit sans pub. Les appels malveillants de Tof, c'est sur Fun Radio, ça débarque. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti, les appels malveillants, on y va. On appelle dernière giclée d'appels malveillants. Oui. Oh, j'adore la dernière sur giclée. Une grosse enquête américaine qui disait que plus vous regardiez des films porno, plus le lobe droit de votre cerveau avait tendance à durcir. Oui. Ce qui n'est pas très bon. Pas de votre bite, hein. C'est oui. Le lobe droit, donc ça peut être dangereux. Donc... évitons, il faut éviter, il faut regarder moins. Tout à fait. Tout de suite. Donc on appelle des gens évidemment pour les prévenir grâce au numéro que vous nous envoyez, un numéro de gens, des ennemis, des amis, des gens qui vous font marrer parce qu'ils sont un peu complètement barrés comme ça. De trou du cul. Ouais. Voilà. Va te faire enculer parce que t'es mort, va te faire enculer. Voilà, donc ouais, tous ces gens-là quand même par exemple, et ben vous envoyez les numéros de téléphone à Tof, toph@funradio.fr et puis bah nous on les appelle en direct tous les soirs. Allez, c'est parti. On y va, on se lance, 1h37, on appelle le dernier de la journée là. Fin de la soirée. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous regardiez beaucoup de films porno, monsieur. Oh là là, qu'est-ce que connerie. Oh, dis donc. Oh là là. Qu'est-ce que cette connerie. Oh là là. On le rappelle. On était dans le nord apparemment. T'es enculé gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. Voilà, non, j'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Je voulais savoir s'il regardait beaucoup de films porno, madame. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est moi rien, mais c'est pour lui, parce que c'est dangereux, madame. Vous m'emmerdez là. Ah non madame, pas de ça entre nous. Allez, allez, dégage, connard. Ah, bah, enfin madame, non. Allô. Oui, c'est difficile à retrouver le téléphone. Ouais, enfin, l'emplacement, lui, ouais, du combiné. Le passé entre nous, ça faisait longtemps. Il était bien placé. Ouais, il est passé crème. Allez, hop, on rappelle. Enfin, tu me diras, oui, si tout est éteint dans la chambre, là, qu'il faut retrouver l'endroit où il y a le téléphone. Ou comment raccrocher. Oui, allô. Vous allez nous faire chier longtemps, comme ça. Non, mais enfin, madame, moi, je vous appelle gentiment, parce que je veux vous prévenir. Attends, je veux dire, ou vous arrêtez de nous faire chier, hein, ou moi j'appelle la police, on va tracer votre appel, on saura d'où vous appelez, et vous allez arrêter de nous emmerder. Qui est-ce qui vous commandite, là? Mais personne ne me commandite, madame, moi je... Bon, vous... alors vous arrêtez de m'emmerder. Mais non, okay, mais moi je vous appelle gentiment. Non, mais attends, tu fermes ta gueule et t'arrêtes de nous appeler. Mais non, pas du tout, madame, moi non, je... mais si, si, tu fermes ta gueule et t'arrêtes de nous appeler. Moi j'essaye de sinon, vous... Sinon tu vas avoir des gros problèmes. Mais madame, me promettez pas des choses comme ça. Je... Allô. Oh merde. Qu'est-ce qu'il vous commandite? Mais oui, on rappelle. Tu fermes ta gueule et tu arrêtes de nous appeler. Allez, on y retourne. Oui, madame, ça se fait pas d'être vulgaire comme ça au téléphone. Bon. Allô. Ah, non, bon, on n'en saura pas plus, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage, je les sentais bien pourtant. Bah oui, oui, moi aussi, ouais, c'est vraiment dommage. Je bah pensais ouais qu'on aurait vraiment pu les prévenir. Ouais, il y a Émilie qui dit il est pas fini, lui, c'est limite de la zoophilie envers Hugo le Bulldog, là. Il faut qu'il arrête le joint, c'est clair. Et Oriane qui dit j'ai un pote qui fait de la muscu, il s'est même créé une page Facebook où il met que des photos de ses tablettes et il fait des vidéos pour montrer comment bien se muscler avec des haltères et tout. Oh là là, il est bien, lui. Hein. Virginie qui dit la bague à sa patte, mort de rire. Et Émilie aussi, encore une autre, qui dit il y a vraiment des gens qui ont des problèmes hein. Quand t'as quelqu'un qui dit qu'il a des sentiments pour son chien, trois petits points. Oui, ce sont des choses qui arrivent, comme tu peux le remarquer, effectivement. Il y a des gens étranges. Oh bah bizarre. Merde, on m'avait dit nuit sans pub. Oui. Bah il y a une pub là qui arrive. Ah bah non. Et je suis obligé de la mettre dans moins d'une minute 40, sinon elle part dans la gueule. Ah bah. Bon, on m'a pas prévenu hein. Bah je suis déçu là, j'ai annoncé une nuit sans pub. Bon, on aura eu 2 heures sans pub. C'est pas mal déjà. Donc il y a une petite pub qui arrive en quelques secondes et puis on reviendra juste derrière. Oh là là. Bon bah tant pis, on doit arrêter là. Salut Carla. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien Carla. Reste avec nous Carla, on va te reprendre dans quelques instants. Il y a d'abord Bart qui est avec nous. Bart de Bourg-en-Bresse. Ça va Bart? Oui, impeccable, j'appelle de Bourg-en-Bresse 01, voilà. Bart, il y a la pub. Moi je suis déçu, je croyais qu'il appelait de Springfield. C'est drôle ça. Ou d'Anvers. Bart de Weaver. Oui, c'est vrai aussi. Bah oui. Bon Bart, est-ce que tu parles avec le haut-parleur ou le kit main libre là? Ah, je le désactive tout de suite, mec. Ah, voilà, c'est mieux, ouais, c'est mieux, voilà, parce que sinon on entend avec un peu d'écho, là. Parfait. Bon, alors, du coup, Bart, bah, je suis désolé, hein, mais moi, on m'avait dit qu'il y avait une nuit sans pub, et là, malheureusement, il y a une pub qui arrive. On parlait des tocards sur Internet, voilà, sur Facebook. Écoute, on en parle dans quelques secondes, je mets la pub en speed et on revient juste après, super, d'accord? Super, Mickaël, merci. Bon, bah, bouge pas, Bart. Bah, voilà, bon, bah, restez là, hein. C'est quelques secondes, on sort de 2 heures sans pub et on mettra le couvert juste après. Vous bougez pas, c'est Mickaël No Limite, on est toujours en direct, évidemment, jusqu'à 2h du matin. Tous les soirs, sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag M-I-K-L sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bon bah voilà, là, maintenant on est de retour là. On est tranquille, voilà. Hop là, on est jusqu'à 2h du mat. Il y a Polo contre le reste du monde dans un quart d'heure. Si vous voulez participer à cette grande émission qui n'a ni queue ni tête comme Toff. Eh ben n'hésitez pas. Oui. Voilà, oui. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Retour avec Bart, ça y est c'est fait. De Bourg-en-Bresse dans le 01. Et donc Bart, toi tu voulais réagir par rapport à ceux qui se la ramènent sur Facebook, comme le mec qu'on a trouvé là, le Kurt, voilà, là, il a 17 ans, il a fait 100 000 selfies et il passe sa vie à faire des selfies, à se la ramener. Il trouve que c'est un cadeau de Dieu tellement il est beau. Bon c'est vrai qu'il est pas mal, mais enfin il faut pas se la ramener non plus quoi. Pas déconner. Bah écoute, selfie c'est une application sympa sur Facebook, c'est mettre des petites vidéos qui durent 5 secondes, on montre sa tête au lever du matin en train de manger. Mais c'est pas ça un selfie. Non, c'est pas ça. Selfie c'est quand tu te prends en photo, ouais. Quand tu te prends toi-même en photo. Tu parles de quoi toi? Ah les vidéos Vine ou je sais pas quoi là, non c'est pas ça? Ouais, Vine. Ah oui, Vine. Ouais, mais enfin tu peux te la ramener par Vine aussi, cela dit, hein, mais bon. Et donc vas-y, continue du coup, même si on parle pas de la même chose, c'est pas grave. Y en a qui le font à longueur de journée, c'est vrai d'être narcissique, c'est bien, mais ça limite ta vie privée. Aujourd'hui, on en parle justement, la vie privée, mais est-ce qu'on a encore une vie privée avec tous ces systèmes de réseaux sociaux? Tu es un peu philosophe, toi, mon garçon. Philosophie ce soir. Attends, non, oui, bah écoute, après, oui, c'est clair que le problème aujourd'hui, c'est que tu ne peux plus faire de conneries tranquilles. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu ne peux plus rien faire. Imagine, t'es avec une meuf. Enfin, t'es avec ta meuf. Tu décides d'aller boire un verre avec des potes dans un bar, etc. Tu peux même pas te dire. Ouais, tu peux même pas te dire, oh, il y a une meuf là, bon, allez, je fais un écart, je fais une connerie ce soir, je m'en branle. Parce que tu sais que t'as une chance sur 10, non, t'as 9 chances sur 10 de te retrouver sur le Facebook à un moment ou un autre d'un pote qui connaît un pote, qui connaît une copine, qui connaît ta meuf. Ouais. Et t'es mort. Alors qu'avant, t'étais tranquille. Ouais, c'est ça. Bon, avant, ça pouvait se savoir, mais enfin, c'était quand même plus compliqué. Ouais. À part de la délation, avant, ça. Genre, voilà. Aujourd'hui, t'es juste, t'as juste pas de bol, quoi. C'est ça, ouais, c'est, il suffit d'une photo Toutes les vérités se savent tôt ou tard, mais maintenant, aujourd'hui, la vitesse d'information, la fibre et tout. Ah, bah, ah oui, surtout grâce à la fibre, parce qu'entre la DSL et la fibre, ah, évidemment, ça va plus vite, mais. La fibre, ça, c'est sûr. Bah oui, oui, oui. Regarde toi qui se la ramène surtout en disant qu'il bosse à Fun et tout. Ouais. Bah avant il pouvait se la ramener en disant ouais moi je bosse à Fun et tout, c'était pas grave. Mais maintenant qu'il le dit, du coup, c'est, t'as une meuf avec qui il va coucher qui dit ah je me suis tapé le mec de Fun et tout. Paf, l'autre meuf va le dire et pour ouais, peu après, qu'il connaisse une autre meuf et puis après bon c'est le la catastrophe. Ah, c'est les dominos quoi. Tout le harem s'écroule. Exactement. C'est, et franchement les gars, vous êtes les premiers à être narcissiques à mettre vos photos et tout aussi. Enfin il faut. Non mais c'est différent parce que la face, non attends, il y a une différence. On est tous narcissiques. Non mais attends. Sur photo des pectoraux pas. Non mais attends, il y a une différence entre faire une photo, j'en ai mis une tout à l'heure, faire une photo où on dit qu'on arrive sur Fun le soir. Et les mecs qui font comme Kurt 100 000 selfies alors que le mec il a 17 ans, je veux dire, tu vois. Il y a une... Parce que moi je dois mettre quoi 2, 3, 4 photos de moi sur la semaine. Et encore de moi, c'est parfois de l'équipe, parfois d'un truc. Mais là, le mec il passe sa journée à faire des photos de sa gueule, quoi. Et c'est pour l'émission, tu vois, elle est pas là en train de se pavaner, en train de montrer sa tête. Si, parce que parfois le soir quand j'arrive, je me branle sur en me disant putain, si j'étais une meuf, je me ferais plein de trucs. Mais hormis ça, je ne suis pas narcissique. Juste, Toff fait pareil sur ta photo. Je te le dis, voilà, mais il m'a dit ça tout hier. Tout le monde prend Facebook pour un jeu, je crois. Ils croient tous gagner et qu'il va y avoir une carotte au bout et qu'ils vont gagner quelque chose, le gros lot. Non, mais le but, c'est d'avoir des amis, bon, voir, c'est tout. Ouais, voilà. Mais bon, moi j'en ai une vingtaine et puis voilà, il y en a qui en ont 5000, c'est pas. C'est oh, pas t'en as 20 occupation. Bouffon. Ouais, je les connais même pas, les 20, je les connais même pas. Ah oui, bah, carrément. C'est vraiment fou. Ah, déjà, moi je trouve que j'en ai peu sur mon privé, je dois être à 300-400, je crois. Ah oui, c'est je pourrais avoir la compile Fun ce soir. Oui, tu veux, tu vas gérer ça avec Sandro là. Ah, okay, je vais te repasser, Bart. Bah, merci d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ciao, merci beaucoup. Salut Bart, à bientôt. Bye. Ciao, à bientôt, bye. Carla qui est avec nous de Nantes. Oui. Oui, ça va Carla? Oui, ça va. T'es en forme? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'endors? Bah vous me faites rire avec vos conneries. Ah bah donc ça va, tu t'endors pas. Ce qui est gênant avec les filles qui ont la même voix que Carla, c'est que t'arrives pas à lui donner un âge. Attends, je vais essayer de voir, bah, moi. Est-ce que vous me donnez quel âge là? Moi je te donnerai 21. Ouais bah ça va, c'est pas trop dur. 15. Moi je dirais 21 et demi. Moi je dirais 15 et demi. Non, j'ai sur les 22. Ah ouais, bah voilà, ah ouais, bah, c'est ça, on avait raison, bah c'est très bien. Bon, alors Carla, qu'est-ce qui t'amène? Moi je voulais vous faire part de mon avis sur les gens un peu bizarres qui vous appellent. Bah je vois pas de qui tu parles. Moi non plus je vois pas, il y a des gens bizarres qui appellent cette radio, non? Bah oui. Non mais franchement vous faites exprès de prendre des gens défoncés. Ah non, pas du tout, non. Non, alors attention, ils sont pas tous défoncés, il y en a qui sont alcoolisés. Ouais. Il y en a qui sont malades, comme Anthony. En fait, non, cette émission est une publicité contre l'abus de substances illicites et parfois même pas illicites. Tout à fait, ouais. Voilà, attends, parce qu'on peut même mettre un petit extrait si tu veux. Hein. Donne-moi le tiroir caisse, enculé, là, ramène l'argent. Et puis quand il a tout fait, c'était la semaine dernière avec Anthony. Il lève la cagoule. Je vous mets juste un petit extrait. Attends. Je suis pas fort pour. Ouais, attends, on va rappeler. On va rappeler, tu vas refaire le message parce que celui-là était pas terrible. Ouais, dis-lui, écoute, désolé pour le bisou, mais ouais. Je reprends mon bisou. Ouais, dis-lui, non, il faut donc là, c'est la semaine dernière quand il cassait, rappelle, d'accord, une deuxième fois avec la meuf avec qui il a déjà cassé. Exactement, tu lui répètes la même chose et puis tu termines à la fin, tu mets pas bisou, tu dis baisse t'es mort, tu dis un truc violent quoi, d'accord? D'accord. Bon, un truc bien crade. Allez, on y retourne, Anthony, là. Et mais pas bon, être trop crade. Et ta voix un peu plus virile, un peu plus violente, hein, d'accord? On sait que d'accord. T'es gay, mais il faut pas que ça se sente. Bon, allez, vas-y. Enregistrez votre message après agressif, le signal sonore. Agressif. Allez. Pour terminer, allez, il suffit de raccrocher. Allez. Merci et au revoir. Ouais, c'est encore moi, c'est pour te dire, je me laisse tranquille, je t'aime plus. Moi, je suis gay, je t'ai déjà dit 100 fois. Tu comprends pas, donc voilà. Moi, je t'aime pas, donc... Je reprends mon bisou et oublie-moi, sinon moi, moi je t'ai oublié, donc oublie mon numéro et comme ça on parle plus. Au revoir. Adieu. Mais non, t'as oublié de laisser mort. Au revoir, il fallait bien laisser mort. Laisser mort, merde. Donc. Voilà, bon, on le remettra à l'occasion peut-être. Mais je vois pas pourquoi tu, je vois pas en quoi les gens sont bizarres, car non, vraiment pas. Non, non, ils sont tout à fait normaux. Parce que les gens sont sains d'esprit. Et ben voilà. Et vous avez le temps encore de faire une blague téléphonique ou pas? Ça dépend. Blague téléphonique. Une blague téléphonique. Attends, j'ai encore quelqu'un là. Je te sucerai le sang et tout. Tu vois. D'ailleurs, il y a un auditeur qui disait, bah, on n'a plus de nouvelles de Gilou. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a plus Gilou là. Ah, si vous écoutez Gilou, rappelle-nous. Hein. Eh, tu, peut-être qu'il est mort. Tu veux faire quoi comme appel? Parce qu'il y a quelqu'un qui risque vraiment de péter un câble si vous l'appelez. Ça peut être parent. Oui, pourquoi pas, ouais. Bah écoute, attends, file numéro de téléphone, file numéro de téléphone à Sandro, du coup on va faire... C'est qui par rapport à toi? C'est mon ex. Ah, c'est ton ex? Ah bah alors. Mais quoi, tu veux qu'on l'appelle par rapport à la branlette? Il se branle beaucoup ou pas? Bah faites-lui une blague au niveau du cul, ça va... Enfin, il va pas rigoler. Ouais, mais on peut faire un appel malveillant, toujours avec la même question. Bah attends, bouge ouais, pas. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bah reste là, Carl, on va se faire un appel malveillant en sus. Un petit bonus. C'est gratos. Ouais, ouais. Bah exactement, ouais. Bon, bah restez là, on va se mettre Gilo maintenant, le temps qu'on ait le numéro de téléphone. Et puis bon, on sera aussi Polo contre le reste du monde. Il y a le gainage également dans quelques secondes, puisqu'on va terminer avec ça, enfin terminer l'émission avec ça. Puisque je rappelle que c'est un nouveau système pour avoir le ventre plat que nous essayons, enfin que Toff et Polo essayent depuis la semaine dernière. Pour l'instant, RAS au niveau du ventre. On écoute Gilo maintenant, c'est First Love sur Fun, c'est la nuit sans pub, bienvenue. Enfin presque. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Eh oui, en direct sur Fun, 1h55, Apollo contre le reste du monde qui arrive. On est un peu à la bourre hein, ce soir, je vous annonce. Puisqu'il y a encore le gainage à faire avec Toff et avec Polo. On a également bah, Polo contre le reste du monde, évidemment. Et puis, bah Carla, tu voulais qu'on fasse un petit appel malveillant en sus. Et tu voulais qu'on appelle ton ex, c'est ça? Ouais, c'est très bien. Bien. Bon, bah écoute, on va l'appeler alors. Hein, appel malveillant à caractère pornographique. On va lui poser la même question que tout à l'heure. C'est-à-dire que, bah visiblement, plus on se branle, plus on a des chances. Pas du tout. De quoi? Plus on regarde de films porno, pardon. Bah oui, mais enfin, tu regardes un film porno pour regarder la beauté du film. Hein. Bah si, c'est. Ouais, oui, c'est ça. Non. C'est pas, la branlette n'a rien à voir là-dedans. C'est non, juste mais d'accord. Le fait de regarder. Bon, bah, plus tu regardes le film porno, en l'occurrence, plus t'as de chances que ton lobe droit du cerveau durcisse. Et donc, c'est pas bon, tu peux en mourir, c'est dramatique. Est-ce qu'il se branle beaucoup, ton ex? Non. Non, enfin, ce que tu penses, quoi. Ouais, moi, ça, je l'ai jamais dit. Hein. Ouais, ouais mais ça. Bon, tu fais pas la promo auprès de ta meuf en disant, ah, tu sais, je me branle 10 fois par jour. Oui, chérie, je me suis branlé toute la journée en voilà. T'attendant. Bon, alors, Carla, comment il s'appelle, tu m'as dit? Teddy. Bon, tu crois qu'il va décrocher ce sorcier, au fait? Oui, il éteint jamais son téléphone. Ah, bon, bah, très bien. C'est bien. Ouais. Bon, bah, alors, on y va. Alors, c'est normalement. Il va être bon, il va être à point, lui. Bon, bouge pas. Au pire, on garde son numéro, on l'appellera demain. Au pire, hein. Bon, on y va. Bouge pas, Carla, on l'appelle. C'est parti. Allez, hop, on s'en fait un petit dernier d'appel malveillant. Ah, 56. Appel malveillant à caractère pornographique, bien sûr. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous regardiez beaucoup de films porno, monsieur. Non, mais il y en a qui dorment, monsieur. Bah oui, mais c'est pas la question que je vous pose, monsieur. Allô, monsieur? Ah merde, ah il a pas l'air très... discute pas beaucoup Carla, hein. Bon on le rappelle, bah oui. On le rappelle. Il a pas répondu. Ouais, pas de sang entre nous. Pas de sang entre nous, très bien. Attends quoi? Rien. De quoi? Vous dites pas que c'est moi, hein? Bah évidemment que non. Les appels malveillants sont totalement anonymes. Je crois qu'il a coupé son téléphone là, vu le temps que ça met. Oui, c'est mort. Teddy. Merde. Vas-y, réessaye un coup. Attends, on réessaye encore un coup parce que je pense qu'il a coupé son téléphone, Carla, merde. Attends. On rappelle pour être sûr. Bon, sinon on garde son numéro pour demain, t'inquiète, on le chauffera. Ouais, on le chauffera plus tôt. Il s'énerve facilement en plus. Ah, attends, c'est reparti. Teddy. Merde. Oh. Bon, c'est pas grave. Oh, petit joueur. C'est pas grave, on garde son numéro, Carla, et on l'appellera demain soir. Ok, ça marche. En espérant qu'il chauffe, évidemment. Salut, Carla. Vers quelle heure? Vers quelle heure? Bah écoute, vers 11h30, on verra s'il décroche à ce moment-là. Hein, mais premier appel malveillant, on fera ça demain. On verra quel thème on utilisera. Mais il y a des thèmes qu'il n'aime pas? Enfin, genre qu'il énerve? Des sujets qui l'emmerdent? L'infidélité? Bon écoute, on verra ce qu'on en fait. Tu l'as trompé? Non. Ah, c'est lui qui a trompé, mais il n'aime pas l'infidélité? Non, il a pas trop peine non plus, mais il est horreur de ça. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, et ben il écoute. Il s'énerve facilement. Et bon, on essaiera de l'appeler demain, alors le Teddy, pas de problème. Ok. Merci Carla, bien, merci gros bisous. Je t'embrasse, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Salut. Allez, on va se faire le gainage maintenant, ah. À 1h58, là. Hop là, on y va. Et donc le principe est simple, hein, depuis mercredi dernier, on l'a trouvé, comme beaucoup d'ailleurs, sur internet, le gainage. Donc le principe est simple, vous devez vous mettre en mode pompe. Et donc, la polo, il fait que de la merde. Ouais, mais j'ai bien vu qu'il est en train de monter dessus, mais c'est des fantasmes qu'il a à mon avis. Et donc du coup, vous devez vous mettre en mode pompe, comme si vous alliez faire des pompes au sol. Sauf que à la place d'avoir les mains sur le sol pour monter et descendre, et ben non, vous devez avoir les coudes et l'avant-bras sur le sol et vous devez faire la planche. La polo, il veut me violer. Oh putain, vous êtes relou là, les gars là. Bon, il faut faire 40 secondes, c'est ça? 45. Ah, 45 maintenant, ça monte petit à petit, très bien. Et après, c'est 3 jours à 60. 3 jours à 60, c'est parfait. Bon, eh ben écoute, on va y aller. Alors, 45 secondes en mode gain, puisque c'est apparemment le concept pour avoir un ventre plat. 3, 2, 1, go! C'est parti! Allez, on y va. Pour l'instant, ça tient. Polo tient bien droit. T'as fait de travers, comme d'habitude. Travers. Bah si, t'es un peu travers, comme d'habitude, travers. T'arrives pas à rester droit à mon avis, c'est ça le problème. Mais si, t'arrives pas à rester droit, qu'est-ce que je te dise moi. Bon, pour l'instant, ça ne fait que 15 secondes. On est à 20 secondes, même pas la moitié. Oh, c'est pire en pire. Voilà, et je rappelle qu'à la fin du mois, à la fin du mois de juin, vous devrez normalement tenir 270 secondes. Là, t'imagines, ça sera tout un titre. Ouais, on est à 30 secondes. Oh là là. Ouais, oui, c'est dur, hein. Ah oui, c'est dur. Ah oui, c'est dur, ah oui, c'est dur. On est à 40 secondes. Et on est à 3, 2, 1. 45 secondes, oh, top terminé. Putain. Eh ben voilà, 45 secondes. Demain, on met 60. Hein. Demain, ah, c'est la minute. 3 jours à 60 après. 3 jours à 60 secondes. Bon, ben voilà, mais c'est parfait. Il y en a des deux qui va devoir. C'est le premier qui abandonnera, évidemment. Prendra un gage. Mais j'abandonnerai pas, moi. Prendra un gage. Bah, tu sais, il y a un moment, ça va être tellement dur de tenir que tu vas lâcher. On tiendra, on tiendra. On verra. Vous vous emballez, mais on verra. Alors que ça a l'air d'être un jeu d'enfant, hein. Bah oui, tu dois le faire avec nous, tu nous rattrapes là direct 60 secondes demain. 45, peut-être, parce que mon dos va mieux, donc peut-être. Je vais essayer de faire ce soir chez moi 30 secondes pour voir un peu. Et puis peut-être que demain je ferai 60 avec vous, allez savoir. Ouais. Et je vous mettrai votre race comme ça là, pépère. C'est vrai, hein? Bah oui. À la cool, quoi. Vraiment à la cool. Bon, Polo contre le reste du monde dans quelques minutes et Kevin avec nous maintenant là, Kevin. Ouais. Bon, alors, toi tu voulais parler des partouzes, c'est ça? Ouais, enfin pas des par... enfin il s'est passé un truc à Charleroi et j'aimerais savoir si t'es au courant. Ça dépend, vas-y dis-moi. Il y a un mec qui il a organisé la plus grosse partouze du monde. Ah oui, dans une école. Ouais, enfin c'était pour des sexagénaires. Ah, non, oui, si alors. Si, moi je l'ai vu, j'ai vu cette info. Et non, mais c'est la chute qui est énorme, c'est la chute qui est énorme. Alors explique. Il y a eu 7 décès. Comment ça les vieux, ouais. Comment ça c'est décès 7 morts à la fin, 7 arrêts cardiaques. Ah bah oui, mais les petits vieux, si tu veux, et bah oui. J'étais choqué. Ils ont Ken et ils sont morts après. C'est ça. C'est chaud. Bah oui, c'est chaud, mais quel âge ils avaient? Il y a pire comme mort. Hein. 75 ans. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire une partouze à 75 ans aussi? Bah il fallait battre un record, c'était chaud. Hein. Non mais d'accord, mais oui, mais bon, en même temps, ils avaient que ça à faire aussi. Non, c'est une belle mort. C'est vrai. Bah oui. Hein? Bah oui, c'est une belle mort. Ouais. Tu vois, c'est toujours mieux que... j'en sais rien moi, mourir renversé par une voiture. Renversé par une voiture ou par un accident con, tu vois, t'es là, tu tombes dans l'escalier, l'escalier, tu te coupes, tu perds ton sang, tu meurs, voilà. Là t'es quand même mort en train de faire une partouze, c'est quand même sympa. Et c'est pour les petits enfants que ça doit être dur. Pourquoi papy est mort? Il faisait il rangeait les armoires, hein, avec mémé, c'était bien. Mais tout se cool. sait, il y a bien un jour le petit saura que papy a été en train de fourrer. Ouais, enfin en train de faire une petite partouze, va savoir. Non mais t'es sérieux, ça te choque vraiment Kevin ou tu te la ramènes là? J'ai pas compris. Je dis ça te choque vraiment ou tu te la ramènes? Non, c'est bizarre. Enfin, franchement, j'étais choqué. Non mais si, c'est choquant aussi. Bon, je... oui. T'imagines, c'est les mêmes mecs quand je les appelle, ils me traitent de connard, de fils de pute et d'aller baiser mes morts. Et après, ils vont baiser à 25 000 là et ils en crèvent. 25 000, tout c'est exagéré. 200. Ils étaient à 200, c'est pas non plus. Enfin, si, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Mais non, mais bien sûr. Non, mais si, c'est beaucoup. 200 vieux. Ouais, 200 vieux. Bah oui, je sais que c'est énorme. Toff devra aller là. 200 vieux qui s'enfilent. Toff devra aller là. Il va faire un tour là-bas. Il faut enlever et tout. Ouais, non, c'est clair. J'ai toujours rêvé de me faire sucer par une meuf sans dents. Non, ça ira. Bah, tu sais quoi? Hop là. Une minute. Une minute au coin. Ah. Il n'avait pas été de la soirée. Eh ben, il a failli faire un clean sheet, comme on dit. Ouais. Eh ben non, il a fallu qu'il se prenne une minute dans la gueule. Mais c'est toujours, c'est ça. Toff, il connaît pas ses limites. Il peut pas s'arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y arrive pas et c'est malheureux. Bon bah ouais. Tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Enfin bref. Bon alors du coup, qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Oui, bah Kevin, bah c'est la vie, mec, hein. Ouais, ma foi, c'est comme ça. Hein. Bah ouais, on n'a pas le choix, hein. C'est comme ça, hein. Pas de problème. Bon, bah Kevin, merci d'avoir appelé pour cette petite histoire. J'avais entendu qu'il y avait un truc effectivement avec des plus jeunes, mais pas avec des vieux, Charleroi. Non, si, ah si, non, si, on l'a entendu. Ah bah comme ça, je me coucherai moins con ce soir. Bah merci bon, à toi, Michael, Kevin. Quand ouais. Est-ce que vous venez dans le sud un peu? Bah en fait, on attend que tu sois plus en sud. Ouais, bien joué, ouais. Ouais, on attend que t'aies déménagé, attend, comme là. Ça on passera. On vous attend là. Mais oui, je sais, non mais j'aimerais bien en plus, tu penses à cette période-ci là, mais. Ça commence à faire chaud en plus. Bah grave, moi je demande que ça de venir. Mais écoute, j'espère qu'on viendra avant la fin du mois de juin. Une petite émission à Marseille ou en Antibes, pourquoi pas, ça peut être bien aussi. Ah, si tu descends en Antibes, alors là, tu m'appelles direct. Bah ouais, je suis bien. Non, justement, non. Ouais. Non, pas de problème. On vous tiendra au courant de toute façon quand on bougera la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Bon, allez, ça marche. Bon, bah salut Kevin. Je peux me passer un petit message bienvenue, j'ai eu mon permis aujourd'hui là. Ah, tu vas un petit message. T'as eu ton permis? Oh là là, un danger public en plus là. Oh là là. Bah attends, je vais en faire une doublette puisqu'il y a Drakit aussi qui voulait un petit message de bienvenue avec celui-là. Allez, où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, je vais t'enculer ta mère. Ah merde, non, c'est pas celui-là. Eh ben voilà. Allez, nique ta mère la pute. Voilà. Allez. Nickel. Salut, allez. Kevin. Ciao, bonne soirée. Allez. Salut, Polo, salut. Allez, salut. Ouais. Merci, hein. Merci. Ouais. Merci, ouais. Ciao à toi, Kevin. Bon, on va se faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et avant ça, eh ben, on va se faire le son de Bigfoot maintenant sur Fun Radio. Bigfoot avec. Oui, Bigfoot, je vais le dire. WNW. Voilà, sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, il est 2h04. C'est Mickaël No Limit. On est pépère là ensemble jusqu'à 2h normalement. On fait un peu plus loin ce soir. Polo contre le reste du monde. Et appelez-nous pour participer. 01 42 48 5000. On vous attend. WNW sur Fun Radio, c'était Bigfoot. Tiens, il y a Nono qui dit sur le Twitter aussi je suis plié. Bah merci Nono, je sais pas pourquoi, mais peut-être tout à l'heure également avec notre ami Anthony ou avec notre ami JF. Enfin bref, il y en avait plein là. Plein de messages aussi qui arrivent. Il y a Nono qui avait envoyé son message. Mr Steven, GTR également, Let's Be Free qui est de retour. Fred S34, etc. etc. N'oubliez pas d'ailleurs que tout à l'heure on aura aussi le top tweetos. On verra donc quel est l'auditeur qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission. En attendant, c'est le moment. Polo contre le reste du monde. C'est le Allez, moment. C'est parti. Du Polo contre le reste du monde, bienvenue sur Fun Radio. On commence tout de suite avec le drogué. Le drogué, on t'écoute. Ouais, Polo. Oui. C'est parce que j'avais acheté un poulet. Ouais. Et j'ai eu une foule émotionnelle quand j'allais le manger. Une quoi? Une foule émotionnelle? Oui. D'accord. J'ai... L'esprit criminel. Oui, on est venu récupérer Toff là. On a marre. Présente-toi, moi, idiot, va. Le petit vieux. Oui, allô Polo. Bonsoir. Oui, j'écoutais votre émission là par hasard. Oui. Et j'ai entendu le petit jeune qui parlait des partouches que vous organisez. Ah, on organise... Les partouches des gros fils. On n'organise rien, monsieur le vieux. Ben, il parlait de quoi alors? De rien, la vieille. Oui, monsieur Polo. Oui, je vous écoute, ça fait longtemps la vieille. Ah, écoutez, oui, c'est vrai, mais j'ai passé du temps à l'hôpital. Oh, ma pauvre, j'ai vous avez quoi? J'ai failli pas sortir. Oh, enfin, bon. Écoutez, bon, mon petit-fils m'a montré une photo de vous. Oui. Je voulais vous dire que vous me plaisez bien. Hein. Et comme je suis passé à deux doigts de l'amour, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Ah, bah écoutez, on va attendez, deux secondes. Le drogué. Ouais, j'aimerais des conseils pour lui déclarer mes sentiments. À qui? Au poulet rôti. Eh bah tu lui serres la l'aile et puis tu lui dis que tu le kiffes. Tu crois? Bah oui, c'est ça. Ça marche comme ça, vas-y essaye, l'esprit criminel. Oui, donc je suis un petit esprit, on les récupère tous ces connards, on les ramène en enfer. Tu parles de qui? Mais tu parles de quoi? Moi je parle de Toff. On s'en fout, le petit vieux. Ouais, dites... Vous pourriez pas me brancher avec la vieille, elle a l'air chaude. On peut. Attends deux secondes. La vieille. Oui. Combien mesures-tu? Comment? Combien mesures-tu? Oh ben, c'est 1m70. Très bien. Aujourd'hui, plus qu'1m52. Combien pèses-tu? Oh, je dois faire à peu près 60 kilos. Bon, quel est ton tour de poitrine? Oh, ça fait longtemps. Bon, et ben, c'est quoi? Il y avait longtemps, il y avait quoi? Oh, bah écoutez, fuite un temps, je mettais du 85C. Bon, parfait. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 52. Bon, bah je viens pas, la vieille. Le drogué! Il m'a foutu une baffe et maintenant il m'ignore. Ok, super. L'esprit criminel! Je me fais prendre en levrette par un cheval. Ah, bah c'est bien, bah continue. Le petit vieux? Oui. Ouais. Mais ce que je voulais savoir, c'est quand elle fait l'amour, elle garde ses dents ou pas? Bah demande-lui, la vieille! Oui. On vous pose une question là. Alors, mémé cochonne, tu gardes tes dents ou pas? Mais je parle pas au petit vieux, moi, crève. Ah, je pour qu'elle se prend cette dinde. Hein, c'est pas bien comprendre que j'ai encore envie de la fourrer. Hein, c'est le vieillard. Moi je m'en ai encore et ça reviendra. Oui, c'est ça avec ton vieux bâton de merde. Et peut-être, mais il est encore plus dur. Eh ben va te faire foutre, je vais me donner mon sac dans la gueule, connard. C'est comme ça que tu me parles. Oui, exactement. Ben, t'as de la chance que je t'ai pas devant moi. Heureusement, Polo sera là pour me protéger. Oui, c'est vrai, bien voir ça. Je vois qu'il aura eu ta gueule. Mais oui, Polo. Ouais, je t'écoute, la vieille. Oui, vous me protégerez, mon petit. Mais avec plaisir. Bon, la vieille, on va y aller, nous. Tu t'en vas? Oui, est-ce que vous pourriez m'aider à prendre mon bain? Avec plaisir, au revoir. Oh merde, je t'ai raccroché la gueule, désolé. Le drogué! Ouais, tu pourras me prêter ton t-shirt. Pour avec plaisir, allez, casse-toi, l'esprit criminel. Avec plaisir, j'y vais tout de suite. Le petit vieux, conclusion, s'il te plaît. Oui, si je me rappelle demain, je peux faire comme le monsieur, là, il s'est rappelé par des auditrices pour me branler. Tu bandes encore, papy? Ah oui, il s'en reviendra. Eh bah très bien, on va faire ça. Allez, au revoir. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui m'ont écouté et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça, ça n'a pas de prix. Exactement, très important même. Bon, 2h12, putain, merde. Toi, tout à l'heure, on a appelé Jérôme, le boss de la radio. Parce que l'émission d'avant, je ne le citerai pas, nous a rendu trop tard. Donc en gros, on a balancé quoi, hein, grosso modo. Oui, hein. Balance. Et putain, je viens de voir un message Jérôme qui dit « Je vous écoute mais je peux pas répondre, j'ai trouvé la colle, on gagne quoi ?» Mais Jérôme, écoutez, pas de ça entre nous. Hein, vous passez un coup de fil et puis vous passez devant tout le monde, hein, y a pas de problème. Comment ça, Fayot? Pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Donc, non, y a aucun problème, hein. Mais bien sûr, le cadeau est à vous, Déjà, c'est lui qui paye, donc. Bah, je vais le payer. Mais non, mais je vais payer de ma poche. Eh ben, parfait. Eh ben, très bien. Eh ben, très bien. Bah, pas de ça entre nous. Eh ben, pas de ça entre nous. Évidemment, évidemment. Ah, bon, allez, on va se faire maintenant le top footos. On va voir quel est l'auditeur qui a été le plus influent ce soir. Quel est celui qui a balancé le plus de messages avec ce fameux hashtag et Mickaël. On y va, c'est parti, quel est le numéro 5? Let's be freaks. Ouais. Non. Si, mais elle n'a fait que la moitié de l'émission. Hein, ah oui, mais c'est pour ça qu'elle a terminé que 5ème. Ce qui est déjà une place numéro 1 pour avoir fait que la moitié de l'émission. Ouais, ben, retour en force. Bon, alors numéro 4. Fred S34. Numéro 3. Mr Steven. Numéro 2. Virginie 66. Et numéro 1. Nono. Nono. Nouveau Nono, non? Il me semble. Il me semble, hein, ouais, ouais. Bah, Nono qui repart donc avec son sextoy offert par Passage du désir. Exactement, ça s'annonce un travail très dur demain pour le top tweet aussi, les Biflux est de retour. Ah oui, oui, oui, c'est. Il risque peut-être d'avoir du mouvement. Il risque d'avoir beaucoup de mouvement, je pense, effectivement. Bon, eh ben très bien, bah merci en tout cas d'avoir passé la soirée avec nous. On s'est bien marré avec vous, grâce aussi à notre ami Jean-François, bien entendu. Hein, grâce à Marie, pour le chéri, je peux te faire cocu, qu'on a eu l'occasion de faire tout à l'heure. Et puis avant de se quitter, bah générique. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. En vertu de quoi vous emmerdez les gens à cette heure-ci pour savoir avoir une question aussi bête? T'as pas de couilles. Qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire enculer, mais c'est mort, et va te faire enculer. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Tu vois le bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis ta bande de connards. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu tu bouffes des bitoffes, te sucer toi l'enculé. Non, ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh ben voilà, une bonne chose de faite. Bah merci en tout cas d'avoir été là, comme je le disais. Merci à GTR, merci à Nono d'avoir été là, Nadia également, Megumi, Let's Be Freaks qui est de retour, Fredes 34, Julien également. Il y avait qui aussi là? Attendez que je regarde un petit peu plus loin dans les messages. Julien qui était là, je l'avais déjà dit, mais c'est un autre. Devers 45 bien entendu, Mystique, Hugo Réo qui était plus là, il est venu hier là, mais à mon avis ce soir il va dormir, hein, Hugo Réo. Mister Steven qui était connecté également ce soir et qui a beaucoup tweeté. Et puis bah Nono donc qui a terminé number one ce soir. Bravo lui évidemment. On se retrouve demain en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Et demain ce sera évidemment le grand retour du jeu de la rupture, okay, évidemment. De séduction, rupture. Voilà, je confonds tout moi. Le jeu de la rupture, il y aura donc rupture demain entre 23h et 2h du mat. Prévenez tous vos potes. On sera en direct comme tous les soirs et on va être au taquet grâce à vous également comme tous les soirs avec des iPods Nano dernière génération à gagner. Passez une bonne nuit sur Fun Radio. Rencard demain 23h. Ciao. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mika L. De 23h à 2h sur Fun Radio.